Être conséquentiel, c'est un sujet que tu as abordé déjà un petit peu, mais en conclusion, et ce soir, tu as l'intention de le développer en profondeur. Alors, la conséquentialité, là, est-ce que c'est une des facultés inhérentes à l'homme nouveau? Est-ce qu'elle n'existe pas déjà chez l'homme ancien? Est-ce que chez l'homme ancien, on ne trouve pas d'être conséquentiel? Bon, chez l'être ancien, tel que je le définis souvent en conférence ou à la radio ou dans des livres, il ne peut pas être conséquentiel pour la simple raison qu'il n'a aucune idée de ce qui crée la conséquence. Qu'est-ce qu'un être conséquentiel? C'est évidemment un être qui connaît les mécanismes qui constituent les conséquences. Qu'est-ce que c'est qu'une conséquence? Alors souvent, on va dire aux personnes, tu en subis les conséquences. Parce qu'on parle toujours de conséquences d'une façon négative, un peu comme le karma, tu payes ton karma. Mais une conséquence peut être extrêmement positive, tu peux subir tes conséquences et être millionnaire. Comme tu peux subir aussi les conséquences de tes actes et te ramasser en prison. Le karma, c'est la compréhension des conséquences. Mais la compréhension des conséquences au niveau de l'être nouveau, c'est un mécanisme qui peut être résumé sous un terme écologique. Celui qui est écologue ou écologiste est un être qui a la compréhension des conséquences. Et celui qui a la compréhension des conséquences peut devenir conséquentiel. Mais ça dépend de plusieurs choses. Pourquoi l'être humain normal n'aboutit pas dans ses désirs, dans tous ses désirs, dans tous ses gestes, dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il entreprend? L'être humain, en général, veut évoluer. Il n'y arrive à peu près pas, selon lui, parce qu'il a un concept de ce qu'il devrait atteindre, et ce concept-là, de toute façon, est une illusion, alors il ne l'atteindra jamais. L'être humain, en général, n'est pas heureux. L'être humain, en général, n'a pas suffisamment de puissance matérielle, non pas au niveau orgueilleux ou snob. Il n'est pas suffisamment libre de la matière par la possession de la matière utile à sa libéralisation de la matière. Qu'est-ce qui fait que l'être normal, l'être humain conventionnel, ce que j'appelle aussi l'être ancien, pourquoi être ancien? Parce qu'il a une conscience de réflexion typique de ce que l'être humain a toujours eu. C'est pour ça que je l'appelle l'être ancien. Ses idées peuvent être bonnes. Sa conscience peut être ajustée en fonction du milieu dans lequel il est et en fonction de sa vie. Mais l'être ancien, c'est qu'il détermine ce qu'il va penser. Sa conscience est déterminée, paramétrée, par tout ce qui a déjà été pensé au niveau de l'humanité. Tandis que l'être nouveau, lui, n'est pas meilleur, n'est pas supérieur. Il est différent. Il est différent en ce sens que lui ne pense pas ou que lui n'est pas régi, ni par sa pensée, ni par son expression, ni par sa créativité, ni par son action, par les paramètres, par ce qui a déjà été pensé. L'être conséquentiel est capable de comprendre ce qui crée la conséquence. En Polynésie, longtemps, les adultes n'avaient pas compris de quelle façon naissait un enfant. Ils n'avaient jamais fait le rapprochement entre ce que l'être normal appelle faire l'amour et l'enfantement. Ce sont les Blancs qui les ont instruits. N'empêche qu'en Polynésie, on n'a jamais eu de surpopulation, même s'il ne faisait pas de lien entre l'enfantement, la conception de l'enfant et l'acte lui-même. Et autre chose en plus, en Polynésie, à cette époque, avant que cette Polynésie devienne civilisée, les enfants n'appartenaient jamais ni à la mère ni au père, parce que c'était ridicule pour eux. Selon leur propre conscience, c'était ridicule. Et la lumière fut. Alors, c'était Mario, notre solutionneur de problèmes. Phytothérapeute. C'est ça, il fit les choses, c'est un phytothérapeute. Alors, donc en Polynésie, lorsqu'un enfant venait au monde, la mère qui en avait quatre, elle allait le porter à la mère qui en avait un, ou à celle qui n'en avait pas. Et elle l'éduquait. Et à un moment donné, le soir au coucher, les parents, disons, les adultes, se retrouvaient avec trois enfants qu'ils connaissaient, mais qu'ils n'avaient pas procréés dans leur hutte, tandis que les enfants génétiquement reliés à eux, ont été disparus quelque part, dans le village. Jusqu'à temps que l'être humain arrive, l'être ancien, l'être blanc, avec sa conséquentialité apparente, où l'être humain doit, selon lui, apprendre à peser ses gestes et à peser ses actes en fonction d'une loi. En fonction d'une loi qui n'est pas régie intérieurement par chacun d'entre les humains, mais en fonction d'une loi qui régit l'être humain d'une façon collective. Alors, en fonction de la religion à l'époque de la Polynésie, j'ai d'ailleurs déjà donné l'exemple où on a banni un peu la chrétienté parce qu'à un moment donné, deux Polynésiens ont fait l'amour dans une église. Une espèce d'église qu'on a construite en bric-à-brac en Polynésie. Et lorsque le prêtre est arrivé, alors voyant cela, évidemment, il les a maudits à jamais. Et ces personnes se sont dit, d'ailleurs, ça a été un des handicaps de la chrétienté pour s'établir en Polynésie, c'est qu'un Dieu qui refuse l'amour, on n'en veut pas. C'est quoi la conséquentialité chez l'être humain? Quel genre de conséquentialité vivez-vous? Est-ce que vous subissez négativement les conséquences de vos actes ou si en réalité vous subissez positivement les conséquences de vos actes? Et le terme subir veut dire que vous êtes manipulé. N'est pas le choix. Et effectivement, on n'a pas le choix. Ou on réussit ou on manque son coup. On est entre les deux selon le concept qu'on a de la réussite et de l'échec. De quelle façon l'être humain est-il conséquentiel? Lorsqu'on porte une attaque sur un pays, quelles en seront les conséquences? Est-ce qu'elles ont été étudiées? Toutes. S'ils ont été étudiées toutes, est-ce que les conséquences de l'acte, disons, est-ce que les conséquences des conséquences ont été étudiées? Non. L'être humain normal ne va jamais jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il se fie à un mécanisme inhérent à sa psychologie, l'espoir. Il espère que ça va marcher. Alors, espérant que ça va marcher, il remet toutes les possibilités d'efficacité entre les mains d'entre guillemets le hasard ou entre les mains de Dieu. Alors, si entre les mains de Dieu qu'il cesse d'agir, Dieu ne passera pas son temps à remettre la personne dans le bon chemin parce qu'elle agit. Si c'est entre le hasard, si elle remet cet avenir, cette efficacité potentielle entre les mains du hasard, ben faut dire que l'être humain est courageux en maudit. Parce qu'il passe 99% de sa vie à mettre de l'énergie quelque part où ça n'aboutira jamais. Et il y croit. Et il espère. Alors, qu'est-ce qu'une conséquence? La conséquence, c'est le résultat d'un acte. C'est ça une conséquence. Si je bois, il y aura une conséquence physiologique, je n'aurai plus soif. Et lorsqu'on est bien perturbé physiquement, plus on boit, plus on a soif. Certains ont déjà connu ça ici, certainement. Il y a des conséquences. Alors, on parle à un moment donné de la loi du karma, de l'action-réaction. Mais d'une façon négative, on paye son karma, on supporte son karma, on transporte son karma. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut arracher une fleur sans déranger une étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est interrelié et chaque fois qu'on pose un geste, une action, il y aura automatiquement une réaction. Et cette réaction, c'est la conséquence de l'acte qu'on pose. Lorsque vous marchez nu-pied dans un gazon, l'été, préférable, et que vous mettez le pied sur les dents d'un râteau, c'est une action. La première conséquence, le pied, et la deuxième, le nez. Parce que normalement, le râteau remonte et flore. Alors ça, c'est une action qui amène deux conséquences. La première, le pied qui rentre dans les dents du râteau. Et la deuxième, le manche qui remonte sous le poids, par un principe qu'Archimède a bien énoncé. D'ailleurs, c'est sa faute, le levier. Parce que s'il n'aurait rien dit, on ne l'aurait pas su. Et flore. C'est une conséquence. L'être humain, apprenant par essai et erreur, finit par dire, alors le râteau, je vais le placer les dents dans le gazon. Ça remonte moins, ça pique moins. Mais quand il tape les orteils dessus, il s'enfarge. Conséquence. Alors, il prend le râteau et il le place sur un mur. Le râteau étant, les fourches étant placées à 90 degrés du manche, s'il l'accote en diagonale, les dents sont encore relevées. S'il met le pied dessus, le râteau revient droit. Il l'a encore dans le visage. Alors, il finit par l'accrocher à l'envers après des clous. Puis là, il n'y a plus de problème. Alors, dans son garage, son râteau est bien accroché. Il a appris. Moi, je dis que ce n'est pas nécessaire de passer par tout ce genre d'expérience pour arriver à être efficace. Mais l'être humain normal ne veut pas réfléchir de façon à être efficace. Il doit mettre sa main au feu pour dire c'est brûlant. Il doit s'asseoir sur les ronds d'un poêle ou asseoir un enfant pour dire ça brûle. Mais est-ce que sinon, il ne le sait pas? Il ne veut pas le savoir. Or, une fois qu'il a accroché son râteau là, alors là, il met son extension après les dents du râteau parce qu'il se rend compte que deux clous tiennent un râteau et le râteau fait un paquet de clous. Alors après, il met ceci, il met cela, il met ça, il met ça, il met ça, il en met plein, puis à un moment donné, il ne voit plus le râteau. Alors le printemps suivant, il chicane l'enfant ou ses enfants ou sa femme ou son mari parce que le râteau a disparu. Et lorsqu'il découvre le râteau en dessous de tout ça, l'énergie qu'il a pu sauver en essayant d'accrocher tout ça, ben, faudra maintenant qu'il la perde toute en ôtant tout ça, en mettant ça partout, en ramassant le râteau, en s'enfargeant dans ses fils, en essayant de replacer, mais là, il n'y a plus de râteau, donc il manque de clous. Alors, s'il est intelligent, il met le râteau, il met ses affaires dessus, il va s'acheter un autre râteau. Bon. Être conséquentiel, ben, c'est ça. Pourquoi ne pas essayer de voir la conséquence immédiate d'un acte de façon à sauver suffisamment d'énergie dans l'avenir en en mettant un peu dans le présent? Ça. Je connais des personnes qui sont écologiques. C'est-à-dire qu'ils font attention à la nature. Parce que je les ai vus faire à un moment donné, ils plaçaient leurs détritus lorsqu'ils allaient camper dans des sacs en plastique pour ne pas les laisser traîner. Et dernièrement, je suis retourné dans cette forêt, c'est-à-dire hier, j'ai couché là cette nuit et je suis revenu un matin. Et il y avait des sacs accrochés après les arbres. C'est qu'ils sont écologiques, mais paresseux. Alors, ils ont bien fait jusqu'à temps qu'ils manquent d'énergie pour finir. Et là, il y a un sac à détritus qui a passé l'hiver dans un arbre. Alors, un jour, si les arbres n'ont plus de feuilles et des sacs, on va faire comme on a déjà vu au Québec. On va mettre une pancarte sur laquelle ça va être écrit « Ravagé par une horde de touristes en l'an 1986, par exemple. » La personne qui se construit dans la forêt et qui décide de se chauffer au bois pour être économe va couper un arbre mort et elle le transporte et elle chauffe. Et c'est impeccable. Et elle nettoie la forêt. Il y a des conséquences logiques à ça. Mais à un moment donné, elle devient paresseuse. C'est le problème de l'être humain ancien et paresseux. Il préfère espérer que ça va bien marcher, alors il ne met pas d'énergie pour que ça marche bien. C'est le problème. Qui va faire régulièrement faire l'inspection de son automobile? Qui s'arrange pour renouveler ses assurances suffisamment avant d'être pris 3 jours en retard? Ou d'être à la limite? Comme les enfants. Les enfants qui ont des devoirs à faire, vous savez, dans un mois, tu leur mets cette recherche. C'est bien. Mais la majorité, la veille, ils travaillent comme des bons pour la faire. Alors pourquoi on leur donne un mois pour leur donner une journée? Ils sont capables, ils le font. C'est ça la conséquentialité. Celui qui est dans son chalet en plein bois et qui coupe l'arbre dans sa cour, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, alors à un moment donné, parce qu'il ne veut pas aller dans la forêt loin, c'est trop farçant, il coupe les arbres qui l'entourent, et ça, ça se voit fréquemment. Mais à un moment donné, il n'est plus dans une forêt, dans un champ. Mais c'est pas grave, il vend sa terre, s'achète une autre forêt, avec une autre cabane, puis il recommence. Quand il n'a plus, ben il vend, puis il s'achète encore, puis il continue. C'est plaisant. Sauf que l'être humain ne voit pas ce que ça cause. Parce qu'il s'en fout. Il espère que ça va bien aller. La conséquence majeure de votre vie, savez-vous c'est quoi? Qu'est-ce que la conséquence majeure de votre vie? Qu'est-ce qui est l'aboutissement complet, mathématique, mécanique, logique, de tout ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est? C'est vous. Vous êtes la conséquence majeure de votre vie. Êtes-vous malade? C'est une conséquence à vos actes. Dormez-vous mal? C'est une conséquence à vos actes. Avez-vous peur? Êtes-vous craintif? Avez-vous de l'espoir inutilement? Perdez-vous votre temps, de l'énergie? Et avez-vous peur de vieillir? Avez-vous peur de ne pas aimer, de ne pas être aimé? Avez-vous peur d'être pauvre? Avez-vous peur de recommencer? Avez-vous peur de vous tromper? Avez-vous peur d'être mal jugé? Vous êtes la conséquence de votre vie. Et dans un an d'ici, vous allez être encore l'aboutissement conséquentiel du travail que vous allez faire à partir de maintenant jusque dans un an. Mais est-ce que jamais vous avez envisagé devenir ce que vous êtes intégralement et totalement? Avez-vous réussi ce que vous aviez pensé? Aviez-vous prévu que la conséquence finale actuelle de votre vie serait vous tel que vous êtes? Avec le même bouton sur le front, avec le même genre de vêtements, avec la même grandeur, avec les mêmes maladies, avec les mêmes ceci, les mêmes cela. Aviez-vous prévu ça? L'être ancien va dire, ouais, c'est pas prévisible ça, tu sais, il arrive un accident, il arrive ça, il arrive ça, il arrive ça. Il y a bien des éléments qui ne sont pas prévisibles. Non. Non. C'est bien évident que vous ne pouvez pas prévoir qu'un jour votre escalier va être glacé, que vous allez glisser dedans, descendre jusqu'en bas, puis vous casser une hanche. L'être nouveau est un guerrier, en ce sens qu'il est apte à lutter avec la vie. Tandis que l'être ancien, lui, fuit la mort, oublie la vie, espère vivre plus longtemps, peut-être pour oublier plus longtemps. Alors, à un moment donné, l'être conséquentiel sait que son corps physique est le véhicule par excellence qui le met en contact avec la matière et que les accidents matériels dépendent du véhicule physique. Plus on aura un véhicule physique adéquat, moins on aura de problèmes reliés à l'inadéquatitude, disons, de ce véhicule. Alors, ce qui fait que lorsque la personne glisse, elle saute sur un pied, elle se ramasse après sa rampe, elle a les deux pieds placés sur la marche d'en bas, bien équilibrée, puis elle n'a pas tombé. Au pire, si elle est enfantine un peu, elle descend ses fesses jusqu'en bas, rien comme un fou. Le troisième étage, je préférerais me pogner après la rampe, là, mais quand on descend 3-4 marches, ça peut aller. Alors, c'est quoi être conséquentiel? Ben, regardez simplement ce que vous êtes. Vous n'êtes pas la conséquence de votre femme ou de votre mari ou de vos enfants, non. Vous n'êtes pas la conséquence de vos patrons, du prêtre, du gourou, du maître que vous avez eu, non. Vous n'êtes pas la conséquence de rien de ça. Vous êtes la conséquence de ce que vous avez fait. Vous avez accepté de vivre avec une personne particulière, alors il y aura un karma collectif. Il y aura donc une conséquence partagée. Ça va de soi. Vivez avec un tuberculeux, vous risquez de draper la tuberculose. Vivez avec un tuberculeux conséquentiellement, alors il pourra guérir et vous ne serez pas malade. Mais on ne peut pas dire « j'attrape la tuberculose, c'est à cause de lui ». Mais non, ce n'est pas à cause de lui. Pour comprendre ce qu'est un être conséquentiel, pour comprendre ce qu'est la faculté de comprendre ce qui fait naître la conséquence, cela veut dire que l'on doit arriver à comprendre ce qu'est l'action. C'est quoi l'action? Quand est-ce êtes-vous capable de poser une action? Quand est-ce que vous arrivez à agir? Vous réagissez souvent. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous arrivez à poser une action, à agir? L'être ancien se plaît de dire, ben oui, j'agis. On a une publicité. Le cancer agit, réagissez. Ben oui, parce que vu que vous n'êtes pas, disons, vous, peut-être que vous l'êtes, l'être humain normal n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre l'absurdité du cancer, alors il doit attendre que le cancer le ravage, et quand le cancer le ravage, ben, il réagit par peur. Cancer agit, réagissez. Si le cancer est capable d'agir, l'être humain devrait être capable aussi. Mais le cancer n'agit pas, il réagit. Parce que le cancer, c'est une conséquence de phénomènes orchestrés par l'être humain, inconsciemment. Pour comprendre ce qui fait naître la conséquence, pour arriver à un moment donné à être efficace, vous savez, lorsque vous vous dites, moi, j'aimerais ça dans un an, avoir fini de payer mon automobile, avoir fait un voyage au moins avec la famille au complet, avoir fait ceci, avoir fait cela, on va dire, oui, mais ça, c'est des désirs, ça, puis c'est pas... Ben, c'est des désirs. Mais ils sont peut-être intelligents, par exemple, ces désirs-là. C'est pas parce que c'est un désir que c'est yak, tout de suite. Non, non, l'être nouveau n'a pas de désir comme l'être ancien, parce qu'il désire ce qui est intelligent. Regardez ceci. L'être conséquentiel, l'être nouveau, a la faculté de désirer ce qui va arriver. Tandis que l'être ancien, lui, désire ce qui n'arrive pas. Et le discernement entre ce qui permet à l'être nouveau de savoir ce qui va arriver, le savoir avant de savoir, qu'on a vu un peu la semaine dernière, et la différence avec l'être ancien qui, lui, ne peut que créer ce qu'il envisage que de ce qui devrait arriver. C'est majeur et c'est simple. Tous ceux qui ont trop d'orgueil, tous ceux qui ont trop d'ego ne pourront pas arriver à être conséquentiels, c'est impossible. C'est assez impossible. Celui qui a de l'orgueil, de l'ego, peut défoncer des portes. En vieillissant, souffrira d'arthrite. D'arthrite psychologique, d'arthrite mentale, d'arthrite vitale, d'arthrite physique. Dépendant des genres de portes qui brisent. Alors, pendant un laps de temps, l'orgueilleux pense peut-être qu'il fonce et qu'il réussit. Mais il réussit quoi? S'améliore-t-il? Parce qu'à un moment donné, un être humain sera mort sur un lit, ou dans la rue, ou sur un plancher, ou dans la neige, ou dans la boue. Et il sait qu'il ne s'en relèvera pas. Alors, ça aboutit comment, ce qu'il a fait, son orgueil et tout ça? Il se pose des questions. Celui qui n'a pas d'orgueil a la faculté d'arriver à comprendre les conséquences. La majorité des êtres humains conventionnels éduquent les enfants ou les autres parce qu'ils sont en guerre d'égo avec. Ils ont été frustrés, se sont attaqués. Lorsqu'un enfant rentre chez vous et brise quelque chose, est-ce qu'on l'éduque ou si on se soulage? Lorsqu'un enfant de 3 ans fait ses dégâts à côté de la toilette, est-ce qu'on l'éduque ou on se soulage? Quand c'est la 8e fois, on se soulage, comme il a fait. On l'éduque pas. Lorsqu'on conduit sur l'autoroute ou en ville et à un moment donné, on veut donner une leçon à quelqu'un, on dit, je vais donner une leçon. Non, non, je vais me venger. Pas lui donner une leçon. Pour donner une leçon à un automobiliste, vous devez avoir un permis classe 1, être payé par une école de conduite, et détenir un permis du ministère. Alors, l'automobiliste qui est sur la rue et qui décide de couper celui qui l'a coupé pour lui donner une leçon, il se venge, il ne lui donne pas une leçon. Réfléchissez chez vous. Souvent, on réfléchit chez autrui. On essaie de savoir qu'est-ce que l'autre a fait chez vous. Et essayez de trouver une seule fois où vous avez commis un acte. Je dis commis. Posez un acte, si vous préférez, pour ceux qui se sentiraient coupables de commettre. cas qu'il y aurait un juge, un avocat. Ou... Alors, c'est pas commis un acte, mais que vous avez posé un acte. Est-ce qu'un jour, vous avez agi? Pensez ça. Pensez-y. Je pourrais vous laisser la soirée, mais ce ne serait pas conséquentiel. Pensez à ça. Est-ce qu'un jour, vous avez posé un acte? Avez-vous un jour agi? Osez agir. Il y a beaucoup de oui dans la tête de beaucoup de monde. Alors, je pose une question à François, qui est plus proche de moi et qui possède un micro. Là, tu vas en être pour tes frais, parce que moi, je suis habilité à poser les questions, mais pas à y répondre. J'en ai toute une, parce que je ne veux pas t'interrompre, là. Mais je vais y revenir. Oui, mais parce que là, tu es en train de partir sur une autre traque, et puis je voudrais, avant que tu ailles sur cette traque-là, là, sur l'ego, la volonté, je voudrais savoir si, avec les exemples que tu viens de nous donner, de la conséquence ou de l'inconséquence, est-ce que ça veut dire que si nous autres, on remet entre les mains toujours de la divine providence, de la croyance, de l'espoir ou du hasard les conséquences de nos actes, est-ce que ça veut dire qu'on fait le jeu de l'astral, de la prédestination, de la programmation? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait ceci, on s'enlève une part de libre arbitre? Autrement dit, qu'on n'a quasiment pas de libre arbitre et que tu essaies de nous faire comprendre que le libre arbitre, ce serait de prévoir les effets de nos actes en connaissant les causes. Que ça, donc, c'est une grosse remise en question fondamentale du libre arbitre. Bon, alors le libre arbitre existe. Il n'y a pas de libre arbitre chez l'être ancien, ça va de quoi. Le libre arbitre peut exister sans exister. C'est le paradoxe d'ailleurs chez l'être nouveau ou encore dans le domaine de l'ésotérisme. Le libre arbitre, il existe qu'à la condition que tu veux le faire ce qu'on t'ordonne. Est-ce que tu as soif? Oui, je t'ordonne de boire. C'est parfait, c'est ce que je voulais faire. Oui, mais c'est pas du libre arbitre, ça, c'est de la programmation, de la suggestion. Non, si j'ai soif et que tu m'ordonnes de boire, ouais, c'est un libre arbitre. C'est le seul libre arbitre qu'on peut aller chercher. Alors, encore là, il est paradoxal, mais c'est le maximum qu'on peut aller chercher. Vous, quand, à l'entrée, vous allez sortir par la porte. Ceux qui ne veulent pas n'auront pas le choix. Et ceux qui vont décider, d'accord, on sort par la porte, c'est évident, c'est intelligent, ben, vivront un peu le seul libre arbitre permis à l'être humain. À l'être humain planétaire, terrestrifié. Regarde ceci. Lorsque tu ne vois pas les conséquences d'un acte, lorsque tu ne vois pas comment te sortir d'un pétrin, tu essaies par là, par là, par là, par là, et ça ne marche pas, tu n'as pas de libre arbitre. Mais il y a une solution, et tu n'as pas le choix de la prendre. Mais lorsqu'à un moment donné, tu vois l'intelligence de la solution, tu la prends. Qu'est-ce qui nous empêche de voir l'intelligence des solutions, justement? Est-ce que c'est l'orgueil, l'ego en général, oui, dont tu parles? Oui, bon, ben alors là, c'est ça. C'est que okay. Tu me fais plus dévier encore que j'allais dévier. Ah, c'est une mise au point, je voulais connaître ta position sur le libre arbitre. Alors, on revient à ceci. Non, le libre arbitre, de toute façon, ça, on n'en a pas. On est programmé ou prédestiné? On est. Par notre aveuglement? On est programmé, mais ça n'a rien à voir avec l'anti-libre-arbitre. On est prédestiné, mais ça a à voir avec un libre-arbitre de l'information. N'empêche pas le libre-arbitre. Ce n'est pas la programmation qui empêche le libre-arbitre. C'est le cadre écologique dans lequel on est placé. Le pissenlit programmé à devenir un pissenlit. Mais si un cheval passe dessus, il est limité. Mais ça n'a rien à voir avec sa programmation. D'accord? La programmation, c'est une grosse, grosse embûche pour arriver à voir clair. Mais ce n'est pas ça qui empêche le libre-arbitre. Le libre-arbitre n'existe carrément pas au niveau planétaire. Et ça, on a souvent élaboré là-dessus. De toute façon, les personnes qui n'étaient pas là lors de ces conférences, vous pouvez poser des questions si ce n'est pas clair que l'être humain n'a pas de libre-arbitre. Comme je dis souvent, on dit dans l'antique religion que l'homme et la femme, un jour, ont eu la possibilité de discerner le bien du mal. C'est vrai. Mais ils ont la possibilité de discerner le bien du mal après l'avoir fait. Jamais avant. D'accord? Alors, il faut donc comprendre ce mécanisme. On ne peut pas se culpabiliser d'avoir mal agi parce qu'on a agi en bonne volonté. Et après, on découvre qu'on n'a pas été conséquentiel, écologique, c'est ce qu'on appelle mal, désharmonieux, inharmonieux. Alors, l'être humain a effectivement la faculté de discerner le bien du mal après, jamais avant. Il n'y a pas de libre-arbitre. On pourrait y revenir. Mais là, je pose une question, réponds comme n'importe qui, enfin, réponds. Prouve-moi que tu es capable de poser des actions ou que l'être humain peut poser des actions. Voilà. Est-ce que Reagan a posé une action? Ben non. Pour moi, la question, ce serait est-ce qu'on peut poser une action qui soit immédiate et non pas comme une conclusion de nos expériences, toujours en référence avec notre passé. Une action véritable, là, dans le présent, qui ne soit pas en raccord avec nos expériences. Est-ce que ça, c'est possible? Une action immédiate, vibratoire, là, un geste... Ce n'est pas une action. Une action juste. C'est une réaction juste. Mais c'est une réaction si c'est lié au passé. Mais est-ce qu'on peut se déconnecter du passé dans une action? Que ça ne soit pas la conclusion de nos expériences, l'action. Bon, non. Faut s'entendre par action. Mais si l'action veut dire que tu crées quelque chose de neuf, c'est un peu à ce que tu veux, disons, tendre, alors tu n'es pas régi par ta mémoire qui te manipule à vomir quelque chose, donc tu ne réagis pas comme l'être ancien va le faire normalement, mais peux-tu créer quelque chose de neuf sans rapport avec l'extérieur? Non. Alors tu vas donc créer quelque chose de neuf par rapport à l'extérieur. Si l'extérieur est différent, tu crées quelque chose d'autre. Tu es donc en réaction encore avec l'extérieur. D'une façon ajustée, possiblement. Mais si tu peux créer une action, c'est qu'il y a un libre-arbitre. Mais il n'y a pas de libre-arbitre, pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas d'action. Tout est interrelié, alors il n'y a pas de libre-arbitre, il ne peut pas y avoir d'action. S'il y a une action, il y a un libre-arbitre. D'action réelle, absolue, neuve. D'action absolue. Neuve. Totalement neuve, à partir d'un monde qui n'existe pas non plus. Alors, donne-moi des exemples normaux d'une personne qui pourrait me dire, je peux t'en donner, mais j'aimerais mieux que tu me les donnes, de personnes qui posent des actions. Est-ce que tu décides que tu manges? C'est une action. Non. Bon, parfait. Non. Alors, faut que je me laisse, moi, faut que je parle. Laisse-moi trouver un exemple intéressant. Un toffe, là. Ah oui. Je bois. Est-ce que tu as décidé, par exemple, d'épouser ta femme en connaissant toutes les conséquences? Ça s'ajuste bien mal. Y compris la belle-mère et puis tout ce qui va avec. Ça s'ajuste bien mal parce qu'on est plus ou moins mariés. Traitons ça de façon impersonnelle. On va dépersonnaliser l'affaire. Mais est-ce qu'en général... On décide de se marier en connaissant ce qui va suivre. On décide de se marier, mais ce n'est pas une action. Pas une action. Non. Parce que, est-ce que tu te maries avec n'importe qui? Non. Donc, tu te maries avec cette personne, ben justement, parce qu'elle est là, tu peux te marier. Mais si elle n'est pas là, tu te maries pas. Mais c'est justement, est-ce que c'est le choix qu'on fait? Est-ce que c'est pas une illusion, alors? Ben oui, c'est une illusion. C'est pas une action, c'est une réaction. Tu réagis à la personne, tu réagis à ce qu'elle t'apporte, tu réagis au contexte social et tu te maries. Bon, tu réagis, tu divorces. Okay. Alors, y a-t-il finalement quelque chose où on est en action? Non, il n'y en a pas. Mais c'est ça que je veux expliquer, justement. Est-ce que vous comprenez tous? Levez donc les mains ceux qui comprennent qu'effectivement, il n'y a pas d'action possible chez l'être humain. Compte-les. Ah ben, maudit. Bon, ben, levez donc les mains ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne croient pas que l'action est impossible. Oh, il y en a juste deux, répondra pas. Parfait. Alors, on va expliquer quand même pour être plus clair. Parlons de la réaction. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction? Si je prends deux produits chimiques, par exemple, je prends de l'acide sulfurique et je prends du cuivre. Je mets le cuivre dans un bocal, je mets l'acide sulfurique dessus, ça va créer une réaction, terme tout à fait chimique, et ça va créer du sulfate de cuivre avec une libération d'hydrogène. Alors, il y a réaction. Mais si au lieu du cuivre, je mets de l'aluminium, il y aura aussi une réaction qui va créer du sulfate d'aluminium et un dégagement d'hydrogène. Si je mets de l'acide chlorhydrique, je vais avoir du chlorure d'aluminium et un dégagement d'hydrogène. Ce qui fait que selon les produits que je vais mélanger, j'aurai des réactions différentes, donc des conséquences différentes. Un jour, lorsque j'étais petit, parce que je fus petit un jour, j'ai pris de l'acide chlorhydrique, j'avais un laboratoire dans mon sous-sol, et dans un bouchon, un pot en verre, un bouchon plastique, on mettait du papier d'aluminium dans le bouchon, et là on fermait ça avec le pot d'acide chlorhydrique, et on ne mélangeait pas. Et lorsqu'on approchait de l'endroit où on faisait notre mauvais coup, on faisait rouler notre pot à terre, l'acide se mélangeant, ça créait de l'hydrogène qui, étant tout à fait impur, dégageait une fumée noire absolument dense. Mais à un moment donné, j'ai brassé et le bouchon s'est ouvert et ça m'est tombé sur le soulier. Alors j'ai couru en dandinant jusqu'à chez moi, dans le garage, j'ai ouvert l'eau et lorsque j'ai ôté le soulier, j'avais plus de bas. Mais c'était bon nylon. Il s'est passé une réaction. Est-ce que moi, j'ai décidé de courir pour aller ôter l'acide? Mais non, si j'aurais pas eu d'acide sur le pied, j'aurais pas couru jusqu'au garage pour me laver le pied. Donc, j'ai réagi à une situation. Lorsque vous décidez de manger, c'est parce que vous avez faim. Vous réagissez à une situation où vous avez faim psychologique, où vous avez faim physiquement. Lorsque vous décidez que vous sortez dehors, il y a une raison. S'il y a une raison, c'est que vous réagissez. Vous êtes écœuré d'être dans la maison? Si vous ne seriez pas écœuré, vous resteriez en dedans. Vous voulez prendre de l'air? Si vous ne voudriez pas en prendre, vous resteriez en dedans. C'est-à-dire qu'il y a toujours un stimuli, un symptôme dans la psychologie, dans le mental, dans le vital ou dans le corps physique de l'être humain qui constitue chez lui ce que lui appelle une raison. Et à partir du moment où il prend conscience de cette raison, sans prendre conscience de ce qui la constitue, il appelle cela une action. Mais il y a toujours quelque chose qui constitue la raison et ce qui va donc forcer l'être humain, selon son expérience, selon ses mémoires, selon sa personnalité, à réagir ou à agir, comme vous voulez, d'une façon très particulière. Lorsqu'une personne agit, dans sa tête, c'est qu'elle pose un geste et le geste, elle l'a décidé elle-même. Ce geste est tout à fait indépendant de toute forme de manipulation extérieure. C'est faux. Vous ne buvez pas d'eau lorsqu'il n'y a pas d'eau. Vous allez acheter une automobile qu'on vous présente. Vous ne penserez même pas à en acheter une qu'on ne vous présente pas. Sauf si vous l'avez vu à la télévision, ou dans un film, ou dessiné, ou si l'amalgame de l'expérience de l'automobile vous permet d'en créer une dans votre pensée. Mais c'est une réaction mémorielle qui, à un moment donné, vous porte à réagir matériellement. Alors en fait, on dit toujours qu'on n'a que l'embarras du choix, mais en fait, on n'a que l'illusion du choix. Alors où est-ce qu'on s'en va s'il n'y a ni libre arbitre, s'il n'y a pas d'action réelle et s'il n'y a pas de volonté réelle, puisque tu viens de nous expliquer qu'il n'y avait pas de volonté réelle, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que la Terre, c'est l'asile psychiatrique de la galaxie? Qu'est-ce qu'on fait là? On a déjà dit ça, oui, que la Terre est Est-ce qu'on est totalement dans une impasse, puisqu'on ne peut pas faire appel à l'espoir? Où est-ce qu'on s'en va? Sachant cela. Bon. On peut dire, par exemple, qu'on a l'espoir d'arriver à trouver un médicament contre le sida. Mais scientifiquement, les savants se foutent carrément de l'espoir. Ils travaillent, les médecins aussi, l'espoir. Ils travaillent pour trouver un remède contre le sida. Ils disent au public qu'on a l'espoir d'en trouver un, parce que le public n'accepterait pas si les médecins diraient « Certainement, on va en trouver un! » On sait pas quand, mais c'est évident, voyons, c'est logique, c'est bien évident qu'on va trouver un médicament contre le sida. Ça va de soi. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 200 ans, dans 5 mois, ben on va trouver. Le public va dire, ben oui, mais Christy, ils savent même pas quand, ils savent pas ce qu'ils vont. Alors on dit, on a grand espoir de trouver un médicament. Tu sais pas plus où tu vas, mais là, le public l'accepte. Alors l'espoir, ça met nous, Ça mène où? Ben, ça mène à rien nulle part. D'ailleurs, l'humanité continue à s'en aller où il s'en va. Lorsque tu rencontres un prêtre ou un maître ou un gourou ou un n'importe quoi, et que tu as l'espoir qu'il va t'amener là où tu ne sais même pas où aller, ben, tu as l'espoir. Alors, il peut t'amener dans ton tombeau, il peut t'amener à te droguer, il peut t'amener à faire des enquêtes inutiles, il peut t'amener à faire un paquet de choses, à mendier sur le bord du métro, à te jeter devant un auto, à foncer dans une caserne avec de la dynamite dans ton camion. Plusieurs choses. L'espoir. Certains meurent pour rejoindre Odin et aller à son banquet. D'autres, c'est Allah. D'autres, c'est d'autres. Par espoir. On ne peut pas vivre par espoir. C'est-à-dire que l'espoir peut être... L'espoir est essentiel chez l'être ancien qui n'a pas la faculté de comprendre la conséquence. Qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui amène des lignées d'avenir futur. Comment il fait pour être prophète? Certains vont dire « on lui parle dans la tête ». La majorité de ceux qui sont à l'asile, on leur parle dans la tête. Puis la majorité de ceux qui ne sont pas à l'asile, on leur parle aussi dans la tête. Certains prophètes amènent des choses qui s'avèrent vraies. Et d'autres, non. Par contre, d'autres amènent des choses et ils feront tellement peur à l'humanité que l'humanité va quasiment tout faire pour cristalliser la prophétie. C'est autre chose. Une conséquence dégénère toujours d'une action. Mais l'action est une conséquence de quelque chose. Pourquoi posez-vous ce que vous appelez une action? Mais ce geste, cette action que vous posez est la conséquence de quelque chose. N'est-ce pas? Vous ne posez pas une action parce qu'il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y a aucune conséquence. Parce qu'il n'y a aucune perception valable. Celui qui se drogue, ben c'est la conséquence, le geste qu'il fait, la conséquence de ce avec qui il se tenait, de ses dépressions, de sa vie, c'est une conséquence. Chaque fois qu'un être humain pense poser une action, il pose une action et cette action est la conséquence même de quelque chose d'antérieur. Une personne qui est ici ce soir et qui décide de s'en aller, elle ne décide pas de s'en aller. Parce que si elle ne serait pas ici, elle ne s'en irait pas. Et si je parlerais différemment, elle ne s'en irait pas. Donc, étant donné ce que je dis, elle va réagir et elle va s'en aller, pensant qu'elle agit. Mais elle n'agit pas. Elle réagit. Et si quelqu'un à l'extérieur lui offre des chips, il lui flatte, il lui l'aime bien gros, puis il lui dit que... Mais là, elle peut prendre la décision peut-être de rester. Mais elle ne prend pas de décision, elle réagit encore. Alors elle rentre ici, là les cheveux lui repartent encore. Alors elle prend la décision qu'elle va écouter avec le moniteur vidéo. Elle ne prend pas de décision, elle réagit. Et c'est normal que l'être humain réagisse, sauf que l'être humain ancien, celui qui a de l'ego à revendre, d'ailleurs il ne le revend pas, il essaie même d'en ramasser d'autres, tellement il est égoïste. Bon, celui qui a beaucoup d'ego, l'être humain qui est orgueilleux, pas de toi que je parlais. Celui qui a trop d'ego, celui qui a trop d'ego que l'ego peut le faire souffrir, bien celui-là ne peut pas voir d'une façon claire le fait qu'effectivement il n'agit pas, il réagit. Et plus on aura d'informations dans l'expérience, plus on sera susceptible de bien réagir. De réagir d'une façon juste, comme tout à l'heure tu disais. Mais il y a une autre façon de réagir d'une façon juste. Lorsqu'il pleut, si l'on désire qu'il pleuve, on sera heureux. Mais l'être ancien a tellement d'ego que lorsqu'il pleut, il veut qu'il fasse beau, et lorsqu'il fait beau, il fait trop beau, alors il aimerait qu'il soit plus nuageux, et lorsqu'il est nuageux, etc., etc., etc. Alors, l'être humain qui a trop d'ego ne pourra jamais comprendre ce qui crée la conséquence, parce que la conséquence naît d'une autre conséquence qui naît d'une autre conséquence, donc de réaction en réaction en réaction. La réaction qui vous fait agir, l'être humain l'appelle l'action. Et ce qui va se passer, il va l'appeler réaction. Et suite à cette réaction, il va réagir. Il va réagir. Donc, il va agir de nouveau différemment. C'est une réaction. Depuis que vous êtes au monde, vous réagissez à tout. À vos stimuli physiques, à vos stimulus psychologiques, à tout. Et c'est correct. C'est normal. C'est comme ça qu'on fonctionne. Pour arriver à être efficace, pour arriver à être conséquentiel, on fait quoi? Pour arriver à être conséquentiel, on doit prendre comme acquis déjà qu'on est limité par tout ce qui nous entoure. C'est ça qu'on doit voir. Limité, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas réussir. Non. Mais si celui qui veut réussir veut avoir un désert d'un million de pieds carrés à lui tout seul, il peut avoir des problèmes, sauf s'il reste en Arabie. Alors l'être humain doit ajuster son désir à ce qui est potentiellement réalisable à l'extérieur, parce qu'effectivement, il est limité par l'extérieur. Mais on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Il va venir un moment donné où chacun d'entre les humains de la planète, en commençant par ceux de l'hémisphère nord de la planète, vont être capables d'entrevoir ce qui va être. Mais pas par prévoyance, pas par prémonition, par préscience. Ils sauront avant de savoir, c'est-à-dire qu'ils auront la faculté d'avoir une connaissance avant de l'avoir expérimentée. Certains parlent d'intuition, d'autres parlent de messages dans leur tête. Il faut faire attention. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est quelque chose de vibratoire. Parce que la vie, c'est vibratoire, ce n'est pas une leçon, on ne parle pas dans la tête d'un être humain. Même la télépathie ne se fait pas en parole, dans la tête d'un être humain. Ça ne marche pas, ça. Ça, c'est une manipulation totale au niveau des plans astraux, au niveau de la conscience collective planétaire. À un moment donné, l'être humain va être capable de dire, de savoir, sans perdre énormément d'énergie à réfléchir à ce savoir, parce que ce n'est pas par la réflexion qu'on arrive à savoir. Par la réflexion, on arrive à réfléchir, on arrive à créer de l'expérience illusoire chez soi, en amalgamant et en transformant des mémoires qu'on a déjà chez nous, les mémoires de l'éducation ou des expériences antérieures. On associe, parce que l'être humain ancien a cela de supérieur à la race animale, c'est qu'il a une faculté neurologique associative. Certains animaux sont capables de mémoriser, de constituer une expérience chez eux. Cette expérience chez eux ne peut pas être associée. C'est-à-dire que chaque parcelle d'expérience ne peut pas être associée chez les animaux. Alors l'animal, lorsqu'il voit un être humain qu'il se fait battre, il se dit, cet être humain-là, il est mauvais. Lorsqu'il en voit une autre, il a peur. Lorsqu'il apprend que l'autre est gentil, il dit, celui-là, il est gentil, celui-là, il est mauvais. Mais il ne pourra pas faire d'association et dire, il y aura une partie des êtres humains bons et une partie des êtres humains mauvais. Il ne peut pas. Il n'a pas ce que la science appelle le cortex associatif. Là où va être régie l'énergie mentale chez l'être humain, l'intellect de base. Mais lorsqu'on veut associer, lorsqu'on se sert de notre cortex associatif, lorsque l'on se sert de notre intellect, lorsque l'on se sert de notre réflexion, de notre pensée, on essaie d'associer le présent avec ce qu'on a à l'intérieur. Et à partir de cela, on associe un monde que l'on catapulte dans l'avenir, et là, on espère que ça va être ça. Ça ne peut pas marcher. Une fois sur combien? Même celui qui gagnait la loterie ne pensait pas gagner. Alors, une fois sur combien l'être humain arrive à 100%, ou même pas une fois, soit une fois sur combien, ouais, sur des chiffres que vous ne connaissez même pas, vous n'avez pas à raconter jusque-là. Parce que ça ne fonctionne presque jamais, sinon jamais. Tandis que lorsque l'être humain est capable d'envisager ce qui se passe à l'extérieur de lui, lorsque l'être humain est capable de comprendre ce qu'est un système écologique, lorsque l'être humain est capable de comprendre ce qu'est une société, ce qu'est une profession, ce qu'est un milieu de travail, ce qu'est aussi une famille, alors l'être humain doit faire fi de son ego et de son orgueil pour dire « je suis important autant que les autres ». Celui qui pense qu'il est plus important que l'extérieur n'a rien compris. Celui qui pense que l'extérieur est plus important que lui n'a rien compris. Vous êtes et ils sont le bois, la terre, les arbres, l'air, les nuages, l'eau, le ciel, les autres humains, les animaux, les plantes, tout. Vous êtes aussi important. Pas plus, pas moins. La nature permet même à l'être humain de tuer l'extérieur pour rester. C'est logique. Cela va de soi. Parce que l'évolution se fait pour que la race se renforcisse, pour que l'humanité soit de plus en plus puissante, plus forte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans la rue, il y a des automobiles, il y a des piétons, il y a de la pollution, il y a des oiseaux qui font des choses dans les airs et qui, de temps en temps, se répercutent sur les pare-brises, sinon sur les chapeaux. Il y a tout un cadre autour de vous qui fait que vous allez devoir réagir ou agir en fonction de ce cadre. Et si on fait fi du cadre, on ne peut pas être conséquentiel. De prime abord, et ça se développe tout seul chez l'être humain, on n'a pas besoin de réfléchir ou de méditer ou de se plaguer au ciel avec les deux fesses dans... Non. C'est facile. Très facile. C'est facile à la condition que l'être humain veuille bien daigner essayer. Alors, présentement, je suis ici. Alors, François est un morceau de mon écosystème. Il peut m'arrêter lorsqu'il veut. Il peut ne pas m'arrêter. Vous faites partie de mon écosystème ce soir. Et le micro aussi, parce que s'il arrête, parce que si la lampe s'éteint, parce que etc. Alors, ce qui fait que tout ça au complet détermine ce que je vais faire. Est-ce que je prends la décision de répondre à une question? Il faut premièrement que la question me soit posée. Alors, je vais prendre la décision, donc je vais réagir en positif ou en négatif. Si on ne me pose pas la question, je ne me pose même pas la question de réagir. Pourquoi ça ne va pas dans votre vie? Oh, certains disent ça va en masse, d'accord. Mais est-ce que ça pourrait aller mieux? Sérieusement, entre vous et moi ou entre vous et vous, est-ce qu'il y a de la place pour l'amélioration chez vous? Chez vous en tant qu'individu, et chez vous en tant que famille, et chez vous en tant que profession, et chez vous en tant que social, et chez vous. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer? Et ça, être conséquentiel, c'est commencer à voir les choses, à se prendre en main. Parce que si on ne s'organise pas, on se fait organiser. On n'a pas le choix. Parce que si vous ne vous organisez pas, moi, je vais vous organiser. Mais si vous vous organisez, je ne peux pas vous organiser. Alors, c'est qu'on peut-être pouvoir travailler ensemble ou travailler séparément, mais libre. On ne peut pas maudire un prêtre ou un gourou ou un maître ou un farfelu qui organise les autres. Tous ceux qui viennent le voir veulent se faire organiser. Ils veulent se faire aider. Donc, ils veulent se faire organiser. Ils veulent qu'on leur donne de l'amour. Donc, ils veulent se faire organiser. Ils veulent que l'autre fasse. Alors l'autre fait. Normal. Mais pour s'organiser, pour arriver à vouloir s'améliorer, ben, faut comprendre qu'est-ce qui empêche l'amélioration et qu'est-ce qui, dans l'avenir, va aussi perturber l'amélioration. Un des mécanismes fondamentaux pour arriver à être conséquentiel, c'est que vous devez vous étudier. Vous avez des qualités, n'est-ce pas? Vous avez tous des qualités. C'est-à-dire que vous avez tous des potentialités d'efficacité. C'est ce que j'appelle une qualité. Vous avez des choses chez vous qui pourraient vous permettre d'être heureux, mais plus qu'heureux, d'être efficace et d'être libre. Vous avez des choses, chacun d'entre vous, qui vous permet ça. Mais vous avez aussi des choses qui vous empêchent d'être ça. Les connaissez-vous? Alors, avant de vouloir, il faut commencer par soi. Ces défauts que vous avez, de quelle façon viennent-ils ternir les qualités que vous avez d'être efficace? Ce que vous avez comme lacune, de quelle façon ça vient ternir votre possibilité de devenir efficace, d'être conséquentiel, d'aboutir, d'avoir du succès? Pas du succès fou devant les autres, je parle pour vous. Moi, j'ai besoin d'une automobile pour voyager. En avez-vous une? Comme elle vous plaît. Moi, j'ai besoin de vacances. En prenez-vous. Moi, j'ai besoin de bien dormir. Dormez-vous bien sans prendre tout un paquet de choses extérieures qui peuvent être bonnes lorsqu'on en a besoin parce qu'on n'est pas suffisamment capable de se prendre en main, mais qui, à un moment donné, doivent disparaître. Puis, je peux vous en citer des mécanismes. Alors, la première chose pour qu'un être conséquentiel puisse naître voir le jour chez vous, ben c'est ça. Qui êtes-vous? Vous êtes la conséquence de votre vie. Pour connaître toute votre vie, vous n'avez qu'à observer ce que vous êtes. Donne de la conséquence. Alors, à travers cette conséquence, il y a une partie qu'on pourrait dire positive et une partie qu'on pourrait dire négative. Elle n'est pas mauvaise, elle empêche l'autre. Or, si on décortique et qu'on prend un papier, c'est ça que l'être humain doit faire, c'est prendre un papier, parce que s'il fait sans papier, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Et s'il n'a pas l'énergie de détacher le sac qui, avec plein de poubelles qu'il a accroché après un arbre dans le bois, à un moment donné, il y aura plein de sacs partout. Si on n'est pas capable de s'asseoir et de dire « Christy, ma vie, elle a de l'importance », ça fait combien d'années et j'ai peur de quoi, etc., etc., etc. Et tout ce que je fais, bien, elle a de l'importance, ma vie. À quoi elle sert, c'est pas grave. Commencez pas à vous demander à quoi sert la vie. Commencez premièrement par vous monter, par vous organiser pour être suffisamment libéré pour pouvoir répondre à cette question-là. Posez-vous-la pas quand vous êtes dans le trou. À quoi sert la vie comme dans le fond d'un trou? Elle sert à rien, il n'y a que des murs de terre et de la boîte qui dégouline. Mais oui, mais c'est pas ça la vie. Il faut commencer par sortir, puis après ça, peut-être que tu pourras répondre. Alors la première chose à faire, c'est pas de se demander à quoi sert, parce que l'être humain, normalement, il se dit à quoi sert. Quand il y a une réponse, là, il veut faire de quoi? Mais c'est ridicule. Sa réponse, elle est tirée, sujette à l'approbation de ce qu'il est présentement, et présentement, il n'est pas gonflable. Il n'est pas au maximum de ce qu'il peut être. Alors, on laisse faire les questions sans réponse. On n'essaie pas de leur donner des réponses factives. On essaie simplement de commencer à se servir de ce qu'on est. Alors, on prend un papier parce que ça est important. Et on fait juste mettre dessus positif, négatif. Et on va trouver que de temps en temps, une chose positive elle se retrouve aussi du côté négatif. Donc, il y a une application écologique qui doit être faite. Dans certaines circonstances, ce n'est pas bon, dans d'autres, c'est bon. Mais commencez par ça. Vous allez voir comment c'est effarant de découvrir. Mais souvent, justement, l'être humain ancien ne veut pas découvrir parce que lorsqu'il découvre, il doit changer. Il ne veut pas. Prendre l'énergie. Il espère qu'on va le sauver. Bon, dites-moi plus facile. Et connais-tu dans ce test des êtres humains qui sont capables de se voir tels qu'ils sont objectivement? T'es tout fier de toi, là? Ah, ça, c'est les questions pour la fin, là. Ça, c'est des... Il y en a des pires que ça, mais cela n'est pas pire. S'il y a des êtres humains qui sont capables de se voir objectivement, oui. S'ils n'ont pas trop d'ego. Ça va toi? Est-ce qu'on peut les compter sur le doigt d'une seule main? Oui, mais plusieurs fois, on va repasser là. Mais regarde pourquoi. Parce que est-ce que je demande la perfection chez l'être humain de prime abord? Non. Commençons marche par marche. Il y a quand même des choses que déjà on sait. Et après ça, on rencontre la famille et les enfants compris et on joue au jeu de la vérité. Alors moi, je... Et toi, tu me dis tout tout ce que j'ai de bon et tout ce que j'ai de mauvais, dis moi. Voilà. Oui, d'accord. Mais il y a des séminaires qu'on fait à un moment donné où on s'amuse comme ça. Alors, l'autre passe. Même les enfants ont le droit de dire. Et toi, c'est... Parce que s'il faut que tu te défendre, c'est que t'es orgueilleux. Alors, tu prends des notes, puis après ça, t'observes. Tu défends pas. Si tu défends, mets ton papier aux poubelles, ta vie n'a pas d'importance. Toi, t'en as. Ton image, ta personnalité, tout ce que... Ah, ça, c'est important. Tant que ça sera important, il n'y a rien à faire, la vie ne peut pas être importante. Tu vas être prêt à mettre toute ton énergie de vie pour défendre ton image. Et après ça, on fait tout le tour de tout le monde. Alors, si on n'a pas de famille avec nos copains, avec nos amis, si on n'a rien, personne, on revient voir Mario Gosselin, va vous le dire. C'est pas vrai, à toi, ça. Alors, c'est extrêmement intéressant de s'amuser à se connaître, parce qu'après ça, on dit, moi, j'ai ceci, ce sont ce que j'appelle mes défauts. Puis c'est un peu vrai, ça, c'est mes qualités. Mais tant de quelle façon mes qualités sont ternies par mes défauts? Est-ce que ce que j'ai comme défaut négatif m'empêche d'arriver quelque part? Lorsque j'ai déjà ça de fait, je travaille d'une façon conséquentielle. C'est que je connais au déjà. En faisant cela, ce que vous allez arriver à faire, c'est de connaître la conséquence qui va créer l'action de votre changement. Et c'est ce qui va suivre, les conséquences qui vont suivre un travail comme ça vont être beaucoup plus ajustées parce que déjà, vous allez connaître une grande partie de ce qui est vous-même. Et ce vous-même, c'est ce vous-même qui fait les actions ou les réactions. C'est ce vous-même qui décide. Alors, il décide de quelle façon? Connaissant les deux côtés et après ça, analysant de quelle façon ça peut nuire à ce côté-là. C'est déjà un travail immense, incroyable, qui coûte pas cher, mais qui rapporte en maudit. Est-ce que je peux poser une question interdite? Ben, ça en fait une, là. Ça, c'est interdit. Posez ça. Une deuxième. C'est fait aussi. Question interdite. Une quatrième, tu peux y aller. OK. Pourquoi, alors, chercher à évoluer? Pourquoi vouloir chercher à... Comment dis-tu, à s'améliorer si tout est écrit à l'avance? Pour la simple raison que ne sachant pas ce qui est écrit, on essaie toujours de s'en aller vers ce qu'on écrit. Et la vie est mauditement plus facile si on se dirige vers ce que tu dis, ce qui est écrit. Et le travail d'amélioration, ce n'est pas de se diriger vers ce qui est écrit, c'est d'arriver à se brancher dans le chemin où ce que tout est facile. L'amélioration, l'évolution de l'homme, c'est horizontal, c'est pas vertical, c'est horizontal. Il doit se brancher sur ce que moi j'appelle être dans son énergie. À un moment donné, il évolue plus. Là, il devient ce qu'il est. Mais il essaie pas de se le bâtir ce qu'il est. Il doit juste se promener, puis à un moment donné, paf, et voilà, c'est facile. Quand tu tombes sur la bonne femme ou sur le beau mari, c'est facile. Quand le premier que tu rencontres, tu essaies de le façonner, ben là, mais t'as pas de mérite. Pourquoi avoir des mérites? À vaincre sans péril, on mérite sans gloire. Oui, mais moi, je me fous pour carrément de mériter. J'ai pas besoin de médaille. Vas-tu rendre au ciel, médaille d'or? Ou en enfer. Médaille du cœur. Si ma vie est une chaîne de réactions inévitables, pourquoi ferais-je des efforts? Ben, je pourrais répondre aussi parce que t'as pas le choix de faire des efforts. Ce qui serait sans doute la meilleure réponse, la plus réelle. Parce qu'une personne qui ne fait pas d'efforts, elle se voue à souffrir. Elle devra automatiquement faire des efforts pour ne plus souffrir. Et il y a toujours des mécanismes à l'intérieur de l'être humain, parce que l'être humain planétaire est manipulé par son esprit. Et l'esprit n'est pas manipulé. Dans le sens où l'être humain pourrait le voir ou le concevoir. Alors, ce qui fait que lorsque le corps physique, lorsque le corps vital, le corps astral, le corps psychologique, le corps mental s'effoire dans un coin et ne veut rien faire, il y a une raison d'être de l'humain sur la planète Terre et ce n'est pas de vivre heureux. L'être humain n'est pas sur la planète pour être heureux. Sinon, ce serait belle lurette qu'il le serait, heureux. L'être humain n'est pas sur la Terre pour être en paix. Ce serait belle lurette qu'il serait en paix. L'être humain n'est pas sur la Terre non plus pour s'effoirer quelque part et rien faire. Parce que c'est ce qu'il ferait. Il essaye de le faire. On a toujours eu des humains dans toutes les formes d'humanité qui ont essayé. Certains apparemment réussissent pas grand-chose. Alors, ce qui fait que non, en fin de compte, l'être humain n'est pas sur la planète ni pour être heureux, il peut l'être, il n'est pas là pour ça. Ni pour être en paix, il peut l'être, mais il n'est pas là pour ça. Dernièrement, je disais que l'âme de l'humain, son âme, n'évolue pas. Elle n'a pas pour fonction sur le plan planétaire d'évoluer. Et c'est pourquoi, après 3 ou 4 ou 5 ou 10 000 années, l'être humain reste comme tel au niveau psychologique, au niveau amique, le même être humain. Alors, il a les mêmes peurs, il souffre de la même façon, il a les mêmes guerres, il fonctionne de la même façon. Il ne peut pas évoluer au niveau de l'âme, comme il ne peut pas s'effoirer au niveau de l'âme. Parce que c'est l'âme qui voudrait s'effoirer, c'est l'âme qui, à un moment donné, la psychologie, qui, à un moment donné, aimerait ne rien faire. Si je ne peux pas prendre de décision, alors je ne fais rien. C'est une décision que tu penses avoir prise. Et ne pouvant pas prendre de décision, tu ne peux même pas décider de ne rien faire. Tu vas réagir à ne rien faire. Et ne faisant rien, tu fais partie d'un cadre écologique qui va servir d'outil pour permettre à d'autres d'arriver. Et lorsque les autres auront arrivé à se placer dans leur énergie, lentement, ils vont transformer le cadre dans lequel tu vis et ils vont, eux aussi, à un moment donné, t'obliger à te brancher dans ton énergie. Si la vie est une chaîne de réactions inévitables, pourquoi ferais-je des efforts? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que l'être humain ne peut pas développer sa volonté. Parce que l'être humain a de la volonté ou n'a pas de volonté développable. Alors, automatiquement, l'être humain qui est assis et qui va dire « Tout est une chaîne de choses délimitées, prédéterminées. » Celui qui ne fait rien a la volonté de ne rien faire et ça fait partie de ce qui est prédéterminé dans sa vie. Certaines personnes vont parler de plan de vie. Mais qu'est-ce que c'est qu'un plan de vie? Ce n'est pas un plan dessiné par un dessinateur et un architecte. Le plan de vie, c'est simplement le cadre écologique dans lequel vous êtes placé. C'est ça qui constitue votre plan de vie. Alors, si à un moment donné, votre plan de vie, c'est d'être dans l'armée, vous ne pourrez pas vous effoirer longtemps, il y aura quelqu'un qui va venir vous taper avec ses bottes. Alors, ce qui fait qu'une personne peut décider de rester, de ne plus rien faire, soit d'être sur l'assistance sociale lorsqu'elle pourrait travailler, tandis qu'un autre est dessus parce qu'elle n'a pas le choix, c'est pas pareil. La personne peut décider de ne rien faire, de s'attendre, de faire quoi? Elle fera quelque chose. Soit que par son ineptie, elle va instruire d'autres personnes à mieux régir un cadre social, de façon à ce qu'à un moment donné, ceux qui ont un autre plan de vie, ceux qui travaillent par exemple, ne perdent pas toute leur énergie à dynamiser ou à faire vivre ceux qui ne veulent rien faire. Ils vont apprendre. C'est intelligent qu'il y ait des chômeurs, c'est intelligent qu'il y ait des assistés sociaux, c'est intelligent qu'il y en ait des perpétuels, c'est intelligent qu'il y en ait des, parce que c'est intelligent qu'ils le soient, utiles, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Tout ça, c'est intelligent. Mais une personne qui, à un moment donné, commence, une personne, de toute façon, ceux qui sont venus ici ce soir, ne peuvent pas poser une question comme ça parce qu'ils ne pourront jamais appliquer ça. La personne qui s'est déplacée ici ce soir, qui a réussi à forcer son corps physique à se déambuler jusqu'ici ce soir, avec une température comme on a dehors, c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher de faire des efforts. Elle va peut-être dire, pour moi, ce n'est pas un effort, c'est facile. C'est évident, l'évolution, c'est facile. Il faut comprendre quelque chose. Lorsque vous voulez vous améliorer et que c'est difficile, c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous améliorer. Ça veut dire que de la façon dont vous employez n'est pas bonne. C'est ça que ça veut dire. Si vous voulez évoluer, que vous avez de la difficulté, c'est-à-dire que lorsque c'est souffrant, lorsque c'est difficile, vous n'évoluez pas de la bonne façon. Parce que l'évolution, c'est facile. Si vous vivez et que vous avez des problèmes, des souffrances, c'est que vous ne vivez pas de la bonne façon. L'être humain va dire, oui, mais c'est à cause que, c'est pas à cause que. Il y a une conséquence à ce que vous êtes et c'est vous. Vous ne vivez pas de la bonne façon. Vous n'êtes pas dans votre énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas là où vous devriez être lorsque tout ce que vous demandez se trouve. Vous savez, à un moment donné, vous commandez des meubles et vous demandez, on s'en arrive jamais, on est trop paresseux pour faire ça, ou trop intelligent, et vous dites au camionneur, tu vas tout décharger la cargaison de meubles que j'ai commandée sur le boulevard métropolitain au coin de Descaries, l'échangeur. Et moi, j'ai pensé tout ramasser ça. Alors, le marchand dit, parfait, alors je livre tout ça là, mais ça te coûte rien. Il va dire, c'est un luxe de voir un gars faire ça. C'est gratuit. Je finance ton exploit. Alors, vous prenez Métropolitain. Vous dirigez vers Descaries. Et puis, c'est plein de trafic. C'est plein, plein de trafic. Ça roule plus. Alors, vous chialez. Vous gueulez. Vous auriez dû faire livrer ça une autre heure. Non, c'est vos meubles qui créent le trafic. Fait qu'à n'importe quelle heure, une cargaison de meubles sur Métropolitain, ça crée du trafic. Vous pouvez essayer, ceux qui ont des commerces de meubles, vous allez voir, ça crée du trafic. Alors, à un moment donné, vous dites, parce qu'il y a trop de trafic, mais que vous ne comprenez pas la conséquence de ce qui se passe. Alors, vous dites, moi, je prends un crémagie, je prends la boîte de service, puis là, je m'en vais jusque là-bas. Mais quand on donne rendez-vous à quelqu'un, puis qu'on ne fixe pas précisément, puis qu'on ne s'organise pas pour être dans ce qu'on a fixé, souvent, on ne le trouve pas. Il n'est pas bon heure, ben non, il n'est pas au bon restaurant, ben non, il n'est pas le bon journal, hein? Alors, à un moment donné, prenant la voie de service, on se ramasse sous l'échangeur, on cherche comment, on monte des carrés, on s'en va vers le sud, on repasse, on revient, on ne trouve pas les meubles. Parce qu'on a décidé, à un moment donné, de prendre une décision apparente où on veut coordonner nous-mêmes l'évolution de ce qui est programmé. La vie, c'est facile. J'ai déjà expliqué l'exemple du pissenlit. Non, c'est pas toi, c'est genre. J'ai pas assez d'autres intervieweurs parce qu'à un moment donné, ils s'usent. Bon. Je dis ça parce que mes trois intervieweurs sont ici présents ce soir. Qui vivra verra. Eh oui. Alors, à un moment donné, l'être humain, il est comme un pissenlit. Je répète parce que c'est très, très bien. Il est comme un pissenlit, l'être humain. Alors, lorsque l'on regarde un pissenlit et que l'on voit une petite tige verte avec une petite bouboule verte, on dit c'est un pissenlit. Et lorsqu'à un moment donné, on voit une tige verte avec une grosse fleur jaune, on dit c'est un pissenlit. Et lorsqu'on voit une tige verte avec une grosse boule blanche, on dit c'est un pissenlit. Lequel est un pissenlit? Or, qu'est-ce que c'est un être humain? C'est tout ça. Un pissenlit, c'est tout ça. On ne peut pas connaître l'être humain en le regardant tel qu'il est si on ne le fait pas, si on ne le voit pas cosmiquement. Lorsque l'être humain décide quelque chose, lorsque le pissenlit qui vient au monde se dit « Tiens, il y a une grosse boule verte, fait que je veux être comme lui. » Alors, il pousse, puis il arrive une grosse boule verte, puis l'autre, toute jaune. Fait que là, il pousse, il devient toute jaune, l'autre, toute blanche. Alors, il pousse, il devient toute blanche, l'autre, il n'est plus là. C'est un petit bout sec. Pourquoi? Parce que justement, il n'arrive pas à concevoir ce qu'est son plan de vie. C'est juste au plan de vie des autres. Lorsque les meubles sont sur le Métropolitain, la vie est facile, tu suis ton chemin, c'est parfait. Parce que l'être humain a le concept de comment ça devrait être. Il essaie d'embarquer de ce qu'il conceptualise, il essaie de vivre ce qui devrait être. Alors que la facilité se trouve dans ce qui est et non pas dans ce qui pourrait être. C'est ça le problème. Qu'une personne veuille faire des efforts ou non, moi, présentement, je parle ici en avant, je ne fais aucun effort. Et justement, quand je me répète, je sais que je me répète, puis ça me fait bizarre. Habituellement, je ne me répète pas. Ou dans d'autres mots, ça fait différent. Parce que c'est facile. Tandis qu'un conférencier normal, ce qu'on appelle chevronné, d'ailleurs, je pense que François en a connu plusieurs, qui viennent à un moment donné rencontrer un impresario de conférence, ils leur disent, voilà, moi j'ai 7 conférences que je peux faire. Alors voici les sujets et les titres. Alors si une de ceux-là vous intéresse, vous m'appelez. N'est-ce pas? Ou encore deux, parce qu'il y en a qui ont 2 conférences, il y en a qui n'ont juste une. Ils l'ont apprise par cœur, c'est un texte parfait. Ils ont une conférence, ils veulent faire la tour de la planète avec. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas rester bien dans la même place. Alors ce qui arrive, c'est que pour eux, c'est difficile. Parce qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils devraient être. Tandis que moi, ça fait au-dessus de peut-être 300 conférences que je vais faire, dont 206 peut-être au niveau des vendredis, plus les symposiums, plus les conférences spéciales du mois, plus les sorties à l'extérieur. Et je me prépare pas, c'est facile. Je ne souffre pas, c'est facile. Et l'évolution, c'est facile. À un moment donné, vous ne faites plus d'efforts dans le sens psychologique, mais vous vous améliorez dans le sens de l'intelligence. Vous en rendez même pas compte. Mais celui qui, à un moment donné, essaie d'évoluer ou de s'améliorer. Il a de la souffrance ou il a de la difficulté. C'est tough. Tu fumes, tu vas arrêter de fumer, puis c'est dur en maudit, hein? Mais continue donc à fumer. C'est pas le temps d'arrêter de fumer. C'est pas le temps. Parce que tu as déjà un conflit avec ton bout de papier, avec ta robe de foin. Puis à un moment donné, tu crées un conflit en dedans en plus. Je n'appelle pas ça de l'évolution, de l'amélioration. Fait qu'au lieu d'avoir un problème, tu en as deux. Quand c'est pas trois, quand tu rajoutes pas de culpabilité en plus à l'intérieur de ça. Puis quand tu te maudis pas, puis quand tu te mets pas en colère contre le fait que tu fumes pour te replacer après. Non, c'est pas le temps. Il y a d'autres choses que c'est le temps. Qu'est-ce qui est facile au niveau de votre changement? Commençons par ça. Commençons pas par ce qui est difficile. L'orgueilleux ou euse, l'orgueilleuse, veut commencer par ce qui est difficile parce qu'elle a l'impression que changeant ce qui est difficile, là, elle change. Mais non. Parce que changer un point difficile, c'est un point à changer. Changer un point facile, c'est un point à changer. Sauf que quand on change les points faciles, le point difficile devient facile à un moment donné. Alors, tout est relié et celui qui pose une question comme ça ici n'a même pas le choix de décider. De façon, c'est une personne qui déjà fait peut-être pas ce qu'elle appelle des efforts, mais elle va travailler si elle ne travaille pas présentement à un moment donné avant de découvrir l'intelligence. Parce que la dépendance face à autrui ne permet pas de faire tout ce qu'on veut faire. Et c'est facile de trouver un emploi quand on s'en va dans la bonne place et quand on a une raison intelligente d'en trouver une et quand c'est le temps. On pourrait d'ailleurs passer le reste de la soirée à répondre juste à cette question-là, fait que je vais te laisser aller avec les autres, là. Mais une chose qui est certaine, si votre évolution est difficile, cherche ailleurs, il y a quelque chose qui va pas. Ça veut pas dire de changer d'école, de changer d'église, de changer... Non, il y a quelque chose qui va pas. Trouvez-le et changez-le. Commencez par ce qui crée le problème, en général. C'est la conséquence de votre vie, c'est vous. On prend un papier et on fait juste ce que j'ai fait. Ah, il y a bien d'autres moyens, mais c'en est un qui est facile. Essayez-le, vous allez trouver ça comique au bout. Et le jeu de vérité, celui où ce que vous fermez, puis tout le monde vous dit vos quatre vérités, c'est intéressant. Tu veux que tu perdes aussi tous tes amis. C'était pas des amis, ça. Bah, peut-être qu'ils veulent te rendre service, ils sont bien intentionnés. Mais pour ce jeu-là... Je sais pas comment tu le prends. Oui, mais c'est pas grave. Pour ce jeu-là, pour que ce soit réellement efficace, pour que tu commences à donner les vérités aux autres, les autres les disent. Et par après, tu recommences. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est ce que tu vas dire aux autres, une projection de toi. L'autre va dire, ben voyons donc, je suis pas comme ça. Mais observez celui qui vous parle, mais dites rien pour l'instant. Puis après ça, vous irez dire une autre fois un tour de vérité. Parce que là, vous allez peut-être en découvrir sur la façon dont il va vous expliquer ce que vous êtes vous. Et puis après ça, vous vous répartissez chacun dans une pièce séparée. Puis là, vous faites juste vous demander, est-ce que c'est vrai? Défendez-vous face à vous, pas face aux autres. Parce que face aux autres, on n'arrivera jamais à un résultat. Et puis là, tout ce qu'on va décider orgueilleusement que c'est faux, c'est pas grave. Il y a des points qu'on va être capable de voir déjà. Il y a tout un travail qu'on peut faire là-dessus qui est réellement intéressant, qui est facile. Demande même pas l'effort. L'espoir, la remise dans les mains du hasard de notre futur, cela ne vient-il pas du désespoir de ne pouvoir résoudre dans le présent le conflit entre le pour et le contre, le conflit entre les divers stimulus? S'il n'y a pas d'action réelle, on n'a pas à prévoir les conséquences des actes. Donc, pourquoi dire être conséquentiel? Bon. Parce que la simple raison, même s'il n'y a pas d'action réelle, c'est qu'il y a différentes façons de réagir. Et ce qui fait qu'une personne réagit d'une façon plutôt que d'une autre, c'est la faculté qu'elle aura de se placer dans le courant d'une façon plutôt que d'une autre. Ça veut dire que ce soir, je fais une conférence. Alors, toutes les données que je donne sont amalgamées de façon particulière chez vous. Celui qui a trop d'ego ne changera pas. Celui qui en a un peu moins peut changer. Exactement comme si on prend une graine et on la met sur de la roche. Ça ne pousse pas. Ça ne peut pas pousser plus. Moi, je n'ai pas comme vertu de changer l'humain. Absolument pas. Moi, je parle parce que je m'instruis et il y a des personnes qui viennent et qui, à un moment donné, eux aussi sont une terre, disons, aussi propice que moi à ce que je vais dire. Parce que je m'instruis. Comme vous instruisez. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une personne, pourquoi prévoir les conséquences de ses actes? C'est qu'il vient à un moment donné où on est capable, et ça, c'est une réaction. Eh oui, de voir les choses puis de voir où il y a facilité. Exactement comme si on dirait, pourquoi essayer? Pourquoi avoir des yeux? De toute façon, on doit expérimenter une solution. Ben, une personne peut dire, moi, je réagis. Alors, j'ai pas besoin de Dieu. Tu sais, quand on rentre dans un mur, à un moment donné, on va finir par trouver la porte. J'ai pas besoin d'avoir Dieu. C'est vrai. Tout à fait vrai. Mais si à un moment donné, elle a des yeux, elle réagit encore, mais elle a une vision nouvelle du monde. Et là, elle voit le trou. Elle réagit encore, sauf qu'elle souffre plus. Alors, ce que je fais au niveau d'une conférence, bien évidemment, les personnes qui trouvent à un moment donné, qui viennent me voir, ils me disent, c'était pas mal bon à soir. Moi, j'étais pas bon. Eux autres étaient prêtes à recevoir ce que j'ai dit. Une autre personne est au-delà de ce que je dis, une autre personne est en delà de ce que je dis. Mais c'est tout. Alors, pourquoi prévoir? On ne prévoit pas. À un moment donné, vibratoirement, on sait avant. C'est un mécanisme relativement nouveau chez l'être ancien qui peut être, on pourrait prendre comme exemple, l'idée de toucher et l'idée de voir. Parce que la vision, c'est un toucher à distance. Quand je regarde, je touche à distance les objets et les choses et les personnes. J'appelle ça voir. Je touche par l'intermédiaire des photons lumineux, de la lumière, la distance. Je peux aussi toucher par les molécules organiques de mon corps un verre. Je touche le verre, je le perçois, j'en ai une idée. Le fait d'être capable, non pas de prévoir, de pressentir, de pressentir pour être précis, de savoir avant d'expérimenter, c'est un peu comme toucher avec les yeux. Alors l'être humain, il est dans un endroit où il a l'espoir du demain. L'espoir du demain, c'est effectivement la création d'un monde nouveau parce qu'on n'arrive pas à parce que l'espoir du passé, ne se voyant pas accrédité dans le présent, ce qui crée le désespoir de la question de tout à l'heure, alors on poursuit dans l'avenir. Si je ne l'ai pas eu, ben moi l'avoir. En fin de compte, paf, je ne l'ai pas eu, ben moi l'avoir. Et quand je l'ai, c'est plus ça que je veux. Je veux d'autres choses, comme le pissenlit. Le fait de pressentir, le fait d'être capable à un moment donné, ce n'est pas quelque chose sur lequel on doit travailler. Je répète que les conférences que je fais ont deux raisons. La première, m'instruire. Lorsque je n'apprendrai plus en parlant, je ne parlerai plus. Et la deuxième, c'est juste de donner de l'information et non pas de transformer l'humain. Parce que l'humain se transforme seul. Vous n'avez pas besoin de maître pour vous transformer. Sauf que l'expérience que vous n'avez pas encore et que moi je peux vivre, si je la communique par la parole, elle finit par être mémorisée chez vous. Chez certains, ça sert à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils le vivent déjà. Et chez d'autres, ça ne sert à rien. Mais vous vous transformez. Alors, à un moment donné, vous allez vivre quelque chose chez vous qui va vous faire peur ou qui va vous faire penser que vous êtes fou ou anormaux. Et ça sera vrai. Mais pas une folie dangereuse. Et lorsqu'on a l'information, j'ai déjà... Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Puis on a entendu parler ou on a lu. Psychologiquement, ça permet à la psychologie de ne pas lutter contre votre transformation. Parce que lorsque votre psychologie a peur d'une transformation chez vous, elle lutte pour détruire, pour empêcher la transformation. Lorsqu'on a déjà de l'information sur ce qui va arriver, quand ça sera le temps, bien la psychologie, elle ne peut plus lutter autant contre ce qui arrive. Lorsqu'un enfant vient voir un adulte et qu'il dit à l'adulte, sais-tu, toi, t'es un arriéré. Alors, l'adulte, frustré, insulté, prouve carrément à l'enfant que l'enfant a raison. Mais l'enfant, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Il peut vouloir s'adresser en parlant énergétiquement à l'adulte. Mais l'enfant vit des choses. Et ces choses-là, pour les accepter chez lui, il doit se les voir accepter par les adultes. C'est une raison pourquoi je parle. Pour que l'adulte finisse par, à un moment donné, voir quelque chose de différent et ne pas penser que c'est un malade. Lorsqu'à un moment donné, la femme se lève en plein milieu de la nuit, elle dit, « Chérie, je ne crois plus en Dieu. » Voilà le bonhomme, là. Hey! Puis elle n'endort plus. Il s'est passé quelque chose. Elle ne croit plus, elle sait. Et ça peut s'atténuer, disparaître. Mais lorsqu'il y a déjà cette personne-là ou que le mari a déjà eu connaissance, entendu, je veux pas qu'il croit ou qu'il ne croit pas ce que je dis. Je veux qu'il ait l'information. On dit que la comète de Halley se dirige vers le soleil. Est-ce que vous y croyez? Ouais, mais d'une croyance différente de l'espoir. Une croyance qui fait que si elle vient pas, vous en foutez. Tant que vous croyez comme ça, vous pouvez me croire. Mais si vous y croyez puis la comète vient pas puis ça vous déçoit, ne croyez pas. Vous faites charrier. Alors, lorsque la personne, elle arrive à vivre quelque chose de neuf et que chez elle, il y a déjà l'information pour soutenir cette chose neuve, c'est facile, l'ego ne lutte pas pour détruire. Qu'est-ce qui fait que l'humanité évolue lentement? C'est qu'il se fie à ses mémoires pour expliquer le neuf. Alors, si à un moment donné, quelque chose de neuf se passe chez elle, tous ses mémoires vont le démolir parce que c'est pas conforme à ce que les mémoires attendent. À l'espoir. C'est pour ça qu'il faut parler. Alors, ce qui fait qu'une personne pense prévoir, je ne parle pas de prévoir, je parle de savoir avant l'expérimentation. C'est utile parce que de toute façon, votre chemin, il est là. Quand est-ce qu'à un moment donné, vous allez avoir un contact avec l'intelligence instantanée? Ça vient, paf, comme une brique qui vous tombe sur la tête. Mais vous devez avoir été manipulé, donc vous devez avoir réagi suffisamment à la vie pour vous trouver là où la brique va tomber. Ça sert à ça. Alors, la personne qui, à un moment donné, ne vient pas à une conférence, c'est qu'elle n'a pas à venir. Et nous, on s'en fout. La personne qui vient, ben, il y a des choses qui, de toute façon, vont transformer légèrement sa vie, comme ça transforme la mienne. C'est un paquet de réactions qui fait qu'à un moment donné, un être humain se trouve au bon endroit, au bon moment. Tandis que d'autres êtres humains réagissent à partir de ce qu'ils ont chez eux, donc à partir de l'illusion de la réalité, ils se retrouvent toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ceux-là qui veulent évoluer. L'être conséquentiel croit-il en Dieu ou un être suprême? Mais non. L'être conséquentiel n'a de con que la séquentialité. Il ne croit pas en Dieu ou en être suprême. Ça ne veut pas dire que ceux qui croient en Dieu ou en être suprême sont cons, là. C'est interprété. L'être ancien croit en Dieu ou en être suprême. Disons que c'est le même phénomène. L'être nouveau ne croit pas parce qu'il sait. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que l'être ancien, lorsqu'on dit « je ne crois pas en Dieu », ça veut tout dire. Mais lorsque le Nazaréen venait sur la planète et disait « je sais », les pharisiens disaient « il ne croit pas ». C'est un impie, c'est un infidèle, c'est un blasphémateur, c'est un… ça veut tout dire. Ils l'ont pas cru, ils l'ont crucifié. C'est pareil. Une croyance exagérée en leur concept. Alors non, le Nazaréen ne croyait pas en Dieu. Et moi, je ne crois pas en Dieu non plus, ni en un être suprême. L'être conséquentiel, c'est, connaît les conséquences de la croyance. Vous croyez en Dieu. Ceux qui croient en Dieu, peuvent-ils me décrire ce Dieu? Ben, ceux qui peuvent le décrire, ce Dieu, si un jour ils rencontrent Dieu, ils ne le reconnaîtront sans doute pas. Et ceux qui ne peuvent pas le décrire, mais à quoi ils croient? Pour croire en quelque chose, il faut avoir une délimitation consciente. Ben, c'est de l'énergie totale. Ah bon, tu crois en des mots, parce que tu ne sais même pas ce que ça veut dire de l'énergie totale. Ben, c'est l'univers total, c'est l'univers, c'est des mots. Parce que l'être humain n'a même pas dans sa conscience limitée la faculté de prendre connaissance de l'infini. Alors l'être humain dit que Dieu est partout et que Dieu est parfait, et l'être humain refuse ou de temps en temps hésite à dire que Dieu est dans lui, alors que moi je sais. Et lorsque moi je sais, je dis que Dieu est dans moi. Ça m'en fait frémir quelques-uns. Pourtant, si je dis Dieu est dans nous tous, ah, tout le monde est d'accord. Mais c'est quoi la différence? S'il est dans nous tous, il est dans moi, alors Dieu est dans moi. Ah oui, mais là, c'est expliqué différemment. Non! C'est que vous expliquez différemment ce que vous vouliez comprendre de ce que j'ai dit. J'ai dit une vérité ou une réalité. L'être suprême, il est dans moi. Et pour que ce soit accepté, je dois dire, l'être suprême, il est dans vous. Et là, c'est mieux. Encore que beaucoup d'humains n'acceptent pas ça. Alors, Dieu, il est partout, mais il n'est pas dans l'homme. Ah, il n'est pas partout. Faut s'entendre. Dieu, il est parfait, donc l'homme est parfait, parce que si Dieu est parfait et que Dieu est partout, tout est parfait. Mais l'homme n'est pas parfait, Dieu est parfait, Dieu est partout. En quoi vous croyez? Ce ne sont pas des jeux de mots, c'est hautement théologique. En quoi l'homme croit? La femme croit-elle? L'être conséquentiel ou l'être nouveau ne croit pas. Il sait. Mais cette question, pour être intelligemment répondue, ne fait pas partie du cadre de la conférence de ce soir où l'on travaille sur l'être humain, sur vous pour commencer, parce qu'à un moment donné, votre petit ego, votre petit vous, votre être psychologique va apprendre à se mettre à genoux devant votre esprit. Esprit. À un moment donné, c'est ce qui va arriver. Et lorsque l'antique religion dit que l'être humain doit être humble devant son Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et lorsque l'être humain doit craindre son Dieu, c'est ce que ça veut dire. Craindre, pas en avoir peur, le respecter. Il ne faut pas avoir peur d'un Dieu. Un Dieu est peurant, on appelle ça un démon. Alors, tout ce que l'antique religion enseigne, et ce que les prêtres prêchent aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça s'adresse à l'ego de l'être humain. Ça s'adresse à l'homme psychologique, à l'homme terrestre, à l'être humain terrestre. Ça ne s'adresse pas à l'être humain extraterrestre. Ça ne s'adresse pas à l'esprit de l'humain. Ça ne s'adresse pas à l'esprit de l'humain parce que c'est l'esprit de l'humain qui s'adresse au prêtre pour que lui s'instruise l'ego. À un moment donné, moi, j'ai su psychologiquement me mettre à genoux devant mon esprit. Et lorsque égoïquement je ne suis pas présent, mon esprit peut s'exprimer, ce qui frustre la majorité des êtres anciens. Parce qu'ils espèrent tout un jour y arriver. Mais ils ne veulent pas que personne y arrive avant eux, par exemple. On ne veut pas. Et ça fait mal. Si ça fait mal, c'est parce que je pensais mal. C'est pour ça que ça ne va pas. À un moment donné, l'énergie supramentale ou l'esprit saint ou l'intelligence spontanée, l'intelligence active, finit par rejoindre son être humain. Parce que lorsque l'ego s'écrase, lorsque l'âme apprend à se mettre à genoux, parce que l'âme n'évolue pas, et l'âme, elle doit apprendre à se mettre à genoux, tandis que la religion amique a déifié l'âme pour foutre l'esprit un peu plus loin. Dans une chose qui est partout, il n'y a pas de limite. On ne peut pas paramétrer quelque chose dans un tout. On ne peut pas. Alors, donc, si il y a quelque chose d'existant dans le tout, c'est qu'il est exclu du tout de par son existence même. Alors, on peut dire cette chose, elle existe par rapport au reste. Et si elle existe par rapport au reste, c'est qu'elle n'est pas le reste. Le chien est un chien comparé à l'humain parce qu'il n'est pas un humain. Alors, lorsque l'être humain, dans son évolution, avec son âme qui veut être sauvée ou etc., veut garder l'âme, veut faire évoluer l'âme, ben, il ne peut pas être ce qu'il doit être. Il ne peut même pas rejoindre Dieu. Au pire, il peut s'asseoir à sa droite ou à sa gauche, à la droite ou à la gauche de partout. Et cette âme ne peut pas arriver à être ce Dieu parce que pour être ce Dieu, il faudra qu'elle soit plus une âme. Exactement comme si vous voulez être mieux que vous êtes, vous allez devoir accepter de ne plus être ce que vous êtes. Vous n'aurez pas le choix. Vous ne pouvez pas être ce que vous êtes en voulant être autre chose. C'est impossible. Croire en Dieu, non. Il vient un temps où l'on sait. Il vient un temps où l'on est sûr de savoir, où l'on est sûr. Pas psychologiquement, pas émotivement, pas parce qu'on en a besoin. Pas pour ces raisons-là. Tandis qu'à un moment donné, un humain est convaincu qu'il a raison. Et si on dit qu'il a tort, il se défend. Il ne peut pas avoir raison. Parce que lorsqu'on est sûr d'être sûr d'être sûr, on n'a pas besoin de convertir autrui pour que ça nous, pour se convaincre nous. Il y a une subtilité monstrueuse entre celui qui pense savoir et celui qui sait. L'ego, l'orgueil. Et la majorité des êtres anciens qui regardent une personne qui a cette faculté de laisser parler son esprit pensent que celui qui parle a de l'orgueil, parce qu'il a de l'autorité. Et ça, c'est la jalousie de celui qui écoute qui souvent constitue l'orgueil de l'autre. L'autre n'est pas orgueilleux. Exactement comme si je dis, Dieu est en moi. Il est orgueilleux en vache. Et Dieu est dans tout vous. Ah, ce cas-là qui est orgueilleux, ce cas-là. C'est les oreilles qui créent l'orgueil, pas la bouche. L'objectivité peut-elle se transformer en savoir instantané? C'est l'aboutissement objectif et logique de l'objectivité. Une deuxième question sur la même feuille. Pour qu'elle soit juste, la conséquentialité doit-elle provenir du savoir instantané? La première conséquentialité vient de la faculté mentale de l'être humain à raisonner. C'est-à-dire à associer son expérience, mais à associer aussi l'extérieur, surtout. Parce que l'être humain devient totalement conséquentiel sans être lié à l'intelligence active, à l'intelligence spontanée, c'est qu'il est capable de vivre en fonction de l'association de tous les données extérieures et non plus en fonction du mélange entre l'association des mémoires et l'association extérieure. Écoutez bien ceci. Parce qu'un être humain se sert de ses mémoires qu'il associe pour expliquer le présent. C'est un être humain hautement émotif, hautement psychologique, qui n'arrivera pas à s'en sortir tout de suite. Lorsque l'être humain chemine un peu plus, l'évolution, ses réactions et tous ses mécanismes finissent par faire en sorte qu'il est capable maintenant d'associer des points à l'extérieur, associer des points à l'intérieur, son expérience, et essayer d'associer les deux. Lorsque l'intellect n'a pas de puissance, l'association ne marche pas, l'ego, la mémoire, la psychologie, l'âme, l'astral refusent ce qu'il a vu à l'extérieur, la réalité, et essaie encore d'étendre son pouvoir à l'extérieur, ce qui ne fonctionne pas. Lorsque l'intellect prend un peu plus de pouvoir, lorsque l'énergie mentale naissante prend un peu plus de pouvoir, alors la personne, elle rentre dans une phase de lutte. Elle s'approche d'une phase qu'on peut appeler la souffrance mentale. Alors la personne, elle fait une association émotive intérieure, mémorielle, et là, elle veut quelque chose. Elle fait une association des mécanismes extérieurs, l'événement qu'elle perçoit, mentalement, et elle dit, ce que je veux, c'est pas ça. C'est... Bon, alors il y aura une lutte entre les deux. Dans le début, l'ego gagne, à un moment donné, le mental prend le dessus, la personne commence à être efficace, écologique, intelligente. Plus cela va aller, plus la personne va dissocier son association de l'événement de la coloration de ses mémoires. Alors, il vient un temps où lorsque vous rencontrez un chien dans une ruelle, vous ne pensez pas qu'il peut être dangereux. Vous associez ce que vous percevez de lui, et c'est tout. Associant ce que vous percevez de lui, vous allez tout savoir de ce qu'il va faire. Alors, vous allez être capable d'agir de certaines façons. Vous réagissez par rapport au chien, évidemment. Si le chien ne serait pas là, vous ne feriez pas ça. Donc, vous allez être capable d'agir. Et au fur et à mesure que vous agissez, vous posez un pied en avant, vous percevez ce que le chien fait. Vous associez ce qui se passe dans le présent et non pas vos mémoires. Ça vous libère de la peur. Ça vous libère de l'angoisse, de la crainte. Ça vous permet d'être totalement efficace. Et vous aurez sans doute contrôle facile sur le chien. Plus cela va aller, plus la personne va être capable de vivre qu'en associant le moment présent, la vie, la réalité. Elle ne touchera plus à son bagage mémoriel, ce qu'elle n'aura plus besoin pour devenir efficace. Ça se verra encore comme référence dans certains moments. Plus loin, il vient un temps où l'être humain est capable de percevoir, par le contact avec l'énergie supramentale, tout ce qui est déjà instruit au niveau du plan mental, au niveau du plan astral, mais pas encore matérialisé dans le plan de la matière. C'est-à-dire que l'être humain aura donc la faculté de savoir, par association présente sous d'autres plans que le visuel matériel, ce que la matière va faire. Ce qui permet donc à l'être humain de savoir avant même de savoir ce qui va évidemment faire blêmir tous ceux qui prévoient l'avenir, parce que l'être conséquentiel ne se trompera jamais, tandis que l'autre va toujours être régi par la probabilité. Lorsqu'on parle de volonté vraie chez l'individu, l'action que nous posons est créative. Faut-il encore interpréter cela en termes de réaction? Bon, la volonté vraie, il faudrait comprendre ce qu'on entend par volonté vraie. Si par volonté vraie, on entend une volonté qui fit avec un concept qu'on a de ce qui devrait être fait, tandis que la volonté fausse fit avec le concept qu'on a de ce qui ne devrait pas être fait, c'est illusoire. Parce que la volonté vraie, tout le monde l'a. J'ai déjà dit que celui qui fumait de la drogue avait la volonté de fumer de la drogue. Et celui qui n'en fumait pas avait la volonté de ne pas en fumer. Il devait la même volonté. Parce que celui qui ne veut pas en fumer n'a pas la volonté d'en fumer. Donc, il n'y a pas de volonté. Celui qui en fume, il n'y a pas volonté d'arrêter. Donc, il n'y a pas de volonté. Le paresseux a la volonté de rien faire et celui qui travaille a la volonté de travailler. C'est faux. Parce que demander à celui qui travaille de rien faire, il ne sera pas capable. Et demander à celui qui ne fait rien de travailler, il ne sera pas capable. Et donc, la même volonté. Celui qui a la volonté d'aider autrui ne peut pas s'empêcher de les aider. Tandis que celui qui ne les aide pas ne peut pas s'empêcher de ne pas les aider. La volonté est similaire, c'est le même phénomène. Sauf que si moi je suis travaillant et je regarde un fainéant, je lui dis « il faudrait que tu aies un peu plus de volonté ». Je veux dire par là « il faudrait que tu aies un peu plus de ma volonté ». La tienne, mets-la en poubelle, elle n'est pas bonne. Moi je le sais, moi j'ai mon concept, il faudrait que tu aies un peu plus de ma volonté. C'est ça qu'on veut dire à quelqu'un quand on veut le manipuler en lui disant « t'as pas de volonté ». Faut que tu te droies, faut que tu te guérisses, c'est de la volonté de vivre. Non, il a la volonté de mourir. Si il a la volonté de mourir, vous allez devoir la développer en maudit, la volonté de mourir. Et il va vous en falloir une dose de volonté pour arriver à mourir, pour l'instant. Puis celui qui veut mourir, ben il a toute la volonté de mourir. Sauf que lui n'a pas la volonté de vivre. Ça va lui prendre autant d'énergie. Avoir la volonté de vivre que vous avoir la volonté de mourir. Alors, il n'y a pas de volonté vraie. L'action que nous posons est créatrice. Créer, au sens cosmique, veut dire faire du neuf à partir de rien. Inventer, transmuer, trouver, veut dire faire du neuf à partir du vieux. À partir de ce qui existe déjà. Alors, fait-il encore partie? Est-ce que cela est encore une réaction, celui qui aurait une volonté vraie? Tous les humains ont la même volonté, sauf qu'ils ne l'ont pas et qu'ils ne l'expriment pas tous de la même façon. Alors, on ne peut pas maudire quelqu'un qui ne l'exprime pas comme nous. Celui qui arrive à faire, à créer, donc à exprimer quelque chose apparemment de neuf à partir d'un brassage de vieilles choses, est-ce qu'il réagit? Oui. Parce que regardez ceci. Le créateur qui croit ne pas réagir lorsqu'il crée, je l'invite chez moi. Je lui fais un lavage total de cerveau. Mais total. Je lui ôte les yeux. Ôte tout ce système sensitif. Il peut bouger, mais il ne sent plus. Alors lui n'est plus perturbé par rien de ce qui existe. Il n'a plus de mémoire, il ne sait plus qui il est carrément vide de ses mémoires et de son expérience, de sa personnalité, et tout ce qui se physiquement, il ne sent plus rien, donc il n'enregistre plus rien. Va-t-il faire ce qu'il appelle créer? Non. Il va être debout comme un piquet, il ne fera rien. Si l'intelligence supramentale le traverse, il va réagir à cette énergie, à ce passage énergétique, il va être capable d'agir. Ce qui, pour l'être ancien, va paraître de la création, lui va savoir que c'est de l'expression. Ce n'est pas une création, c'est de l'expression. Nouvelle au niveau du plan planétaire, mais c'est de l'expression. Pas de création sur la planète. Il y a de l'expression. Une question qui a été posée par un petit garçon, je pense qu'il doit avoir 10-12 ans à peu près, une belle question. Le terrorisme international est-il la conséquence de l'inertie ou du pouvoir de l'action causé par l'homme ou manipulé par l'influence du destin? Je ne sais pas si c'est son père ou sa mère qui a fait poser la question. Parce que si c'est lui, ben il devrait réfléchir un peu, il va trouver la réponse. Ça veut dire qu'il l'a déjà... Une chose qui est certaine, si c'est lui qui l'a posé, il ne faudra pas qu'il la pose à son prof va se suicider. Parce qu'il va dire pour qui il se prend, hein? C'est ça qu'on répondrait, un enfant de 10 ou 12 ans qui pose une question comme ça, on se demande pour qui il se prend. Parce qu'il n'y a pas un enfant sanglant qui pose une question comme ça. Question d'adulte. Le terrorisme international est-il la conséquence de l'inertie ou du pouvoir de l'action causée par l'homme ou manipulée par l'influence du destin? Le destin, c'est tout ce que l'être humain ne comprend pas des causes et des effets. Le hasard, c'est tout ce que l'être humain ne comprend pas des causes et des effets. Le destin, c'est ce même phénomène qu'il croit régi par une intelligence, tandis que le hasard, c'est le même phénomène qu'il croit ne pas être régi par une intelligence. Deux concepts de la même illusion. Le terrorisme international, c'est intelligent, c'est efficace, on le sait, c'est essentiel. Le terrorisme international, il a une fonction planétaire, c'est de forcer l'Europe à s'unir. Parce que l'Europe, énergétiquement, ce n'est pas des pays, c'est une Terre. Une Terre qui a un rôle énergétique au niveau de l'évolution cosmique de la planète Terre. Et le terrorisme international, surtout européen, a pour fonction de forcer les pays alliés ou non européens, je ne parle pas évidemment des pays de l'Est, je parle de l'Europe, à s'allier. Ça sert à ça, le terrorisme international. Le terrorisme tel qu'on le connaît, l'international, enfin, pas du terrorisme qu'on a ici de temps en temps dans nos gares. Est-ce que c'est la conséquence de l'inertie ou du pouvoir de l'action causée par l'homme? L'être humain est manipulé, l'être humain ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est pourquoi il ne peut pas être condamnable. Si on parle de condamnation, alors je dis c'est pourquoi l'être humain est pardonnable. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. L'être humain n'étant pas conséquentiel, ne peut pas savoir ce qu'il fait. L'inertie apparente de la psychologie de l'homme le pousse involontairement à croire que volontairement il décide soit de s'unir contre le terroriste, soit de s'unir pour le terroriste. L'humain ne décide pas, l'humain pense qu'il pense, l'humain est manipulé. Le terrorisme international, d'ailleurs, tout ce qui existe sur la planète a une raison intelligente. Tous ceux qui croient en Dieu ou en être suprême, ne venez pas me dire que vous pensez qu'il y a des forces de mal, qui luttent contre les forces divines, parce que si Dieu est partout, il y a un maudit problème chez lui, sauf d'un cancer, le mal. Parce que si Dieu est tout-puissant, il y a un vache de problèmes. Tout ce qui se passe à l'échelle planétaire est quelque chose qui est permis par les lois mécaniques qui régissent même l'évolution planétaire. Tout ce qui se passe au niveau planétaire a une raison intelligente. Et si on me demande la raison intelligente de n'importe quoi à l'échelle planétaire, je vous la dirai. Ça a toujours une raison intelligente. La Deuxième Guerre mondiale avait une raison tout à fait écologique. La Première, même chose. Premier Reich, même chose. Toutes les guerres qu'on a eues avaient des raisons écologiques. Que ce soit Alexandre, que ce soit Philippe, que ce soit tous ceux qu'on voudra amener. Tout ce qui se passe, les maladies, tout ce qui se passe a une raison intelligente et c'est permis. L'être humain qui ne comprend pas parce qu'il voit une partie localisée de sa conscience, ne voyant pas le reste ou essayant d'inclure le reste dans ce qu'il conçoit dans sa conscience, pose des questions. Le terroriste, félicitations. La lutte contre le terroriste, félicitations. Ben oui, faut qu'on lutte contre le terroriste. Imaginez-vous. Mais si on ne réussirait pas de terroristes, il n'y aurait pas d'unification d'un paquet de nations pour lutter contre quelque chose. L'être humain s'allie lorsqu'il n'a pas la compréhension intelligente du travail en groupe. L'être humain s'allie par le désir d'assouvir sa sécurité. Juste pour ça. Alors, Kadhafi et les autres ont peur. Alors, ils s'unissent pour faire peur. Ceux qu'ils vont viser ont peur. Alors, ils vont s'unir pour détruire ce qui leur fait peur. L'être humain vit en société parce qu'il a peur. En société, il se sent sécure. L'être humain n'a pas la faculté intelligente, encore l'être ancien, de comprendre l'intelligence de vivre en groupe. Travailler en groupe, ce n'est pas se collectiver au niveau de la conscience. Travailler en groupe, c'est diviser les efforts pour multiplier les résultats. C'est ça, travailler en groupe. Et tant que l'être humain n'a pas l'intelligence de comprendre pourquoi le pourquoi de travailler en groupe, alors il y aura des mécanismes intelligents qui le forceront toujours à s'unir. Jusqu'à un moment donné, on aura presque deux morceaux de planète unis d'un côté, unis de l'autre. Et un jour, il faudra qu'ils soient fusionnés par l'eau ou par le feu. Et l'être humain sera uni. Tous ceux qui se battent sont unis, pensent tout à la même chose. Le Big Bang est-il la seule action dans l'univers? Mais oui, il sait. Pourquoi il pose ça? L'imagination peut-elle être la meilleure source de l'énergie? On ne dit pas de quelle énergie. Ah! L'imagination peut-elle être la meilleure source de l'énergie? L'imagination, c'est fondamental chez l'être ancien parce que c'est ce qui va lui permettre, par faculté associative, d'arriver à constituer dans sa conscience limitée, sa conscience inconsciente, un univers qu'il ne peut pas toucher par sa conscience réelle. J'explique. L'imagination est ce qui vous permet de prendre connaissance de choses que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Par contre, l'imagination ne peut pas être le reflet exact de la réalité. Il en est l'ombre. Alors, l'imagination amène à l'être humain la faculté d'avoir l'idée d'un Dieu, mais il ne peut pas connaître ce Dieu. La faculté d'un univers infini. L'univers est fini. Et à l'extérieur de l'univers fini, il y a rien qui n'existe pas. Ou il y a quelque chose d'inexistentiel. Mais ça encore, on va revenir à un moment donné plus tard sur ce mécanisme. L'imagination permet à l'être humain d'imaginer une paix qu'il ne connaît pas. Et cette imagination de paix le met en contact avec une possibilité. Imaginer Dieu, c'est connaître un peu ce Dieu, mais le colorer par ce qu'on a comme expérience. Imaginer une paix, c'est créer une paix, c'est connaître un peu la paix, parce que imaginer la paix, ça amène la paix chez soi, mais d'une façon qui n'est pas en rapport avec la réalité. Alors l'imagination est la faculté permise à l'être ancien qui est limité sur le plan planétaire parce qu'il était restrifié pour un rôle particulier. Une expérience particulière. Et l'imagination permet à cet être humain-là de rester en contact avec quelque chose qui échappe à sa conscience. Je suis tout à fait pour l'imagination. Sauf qu'on ne doit pas prendre son imagination comme étant une chose authentique. Lorsqu'une personne, à un moment donné, a des voix dans sa tête, cela peut faire partie de l'imagination. L'imagination individuelle ou planétaire. Ou sociale, ou collective. Mais l'imagination lui permet quand même d'arriver à toucher quelque chose qu'elle n'a pas dans sa conscience. L'imagination crée les religions, elle crée les théories scientifiques, elle crée tout ce qui est intuitif, tout ce qui est intellectuel, donc le monde spirituel, le monde de la science. Et à un moment donné, on doit vivre. Mais cette imagination permet à l'être humain de se diriger vers ces choses. Pas d'imagination chez l'être humain, pas de faculté de se centrer dans son énergie. Ce qu'on peut appeler pas de faculté d'évoluer. Et prendre ce qu'on imagine au sérieux, c'est l'illusion. Il n'y a quasiment plus de questions, il reste, mais enfin, tu as répondu à celle-ci en général. À la pause, il y avait beaucoup de personnes qui avaient bien du mal à admettre la non-existence du libre-arbitre absolu. Là. Ça crée bien des remous. Et l'argumentation majeure autour de la table où j'étais, les gens me disaient. Mais on peut quand même pas contester que j'ai le choix de penser négativement ou positivement ou créativement. Donc je suis à l'origine de mon destin. Est-ce que c'est nous qui pensons ou sommes-nous pensants? Ça c'est le gros argument à la pause. Oui. Alors il y a des choses sur lesquelles on va disons, s'avancer au niveau des conférences, mais une personne qui ne comprend pas, c'est important qu'elle revienne à la conférence suivante. Si elle ne comprend pas ou si elle est perturbée, si je sais que les personnes font cela, c'est que je sais que les personnes sont conséquentielles, alors je peux me permettre, vers la fin d'une conférence, de m'avancer sur un sujet sur lequel on peut poursuivre, par exemple, la semaine prochaine. Même si la semaine prochaine, disons, c'est l'organisation pour l'efficacité, ça fait partie quand même du phénomène de la pensée. D'ailleurs, les conférences sont des suites. La personne va dire « Je pense moi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. » C'est ça? Parfait. Donc, j'ai le choix. J'ai le choix. La volonté d'agir de telle ou telle façon. Exactement. Je peux décider d'agir en bien ou agir en mal. Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que vous savez du mal? Et qu'est-ce que vous savez du bien? Vous savez du mal que ce qu'on vous a appris du mal. Et vous savez du bien que ce qu'on vous a appris du bien. Fondamentalement, savez-vous ce qu'est le mal et ce qu'est le bien? Est-ce que Dieu est bien? Et est-ce que Satan est mal? Vous répondez. Mais vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Alors comment pouvez-vous répondre? Qui est Lucifer? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Vous avez des réponses. Mais comment pouvez-vous répondre? Lorsque vous voyez dans les journaux qu'un adulte a violé une femme ou qu'un enfant de 12 ans a assassiné sa blonde par jalousie dans une cour d'école, on dit qu'il a mal agi. Mais qu'est-ce que vous savez de la vie de cette personne, du karma qu'elle portait? Et vous dites que vous êtes capable de choisir le bien et le mal. Vous dites que vous êtes capable de juger. Vous savez qu'une chose est mal après l'avoir expérimentée ou bien après l'avoir apprise par l'éducation. Sinon, vous ne savez pas. Alors, à un moment donné, manger de la viande humaine, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Certains vont dire, ben, ça dépend. D'un écrasement d'avion, t'es pogné. Oui, parce qu'on a écrit des livres, parce qu'on a fait des films, parce qu'il y a eu des débats là-dessus. Sinon, avant qu'on en parle, c'était mal pour tout le monde de manger de la viande humaine. C'était mal pour tout le monde. Et maintenant qu'on en a parlé, certains ont découvert dans le moment qu'ils vivaient qu'un biceps, c'est un biceps. C'est de la viande, c'est du muscle. Et que lorsqu'un animal est mort, qu'il ait été un humain ou non avant, pour préserver la vie d'un autre, c'est correct. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? L'euthanasie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Selon vos concepts et selon ce que vous aimeriez que l'on vous fasse, vous allez dire c'est bien ou c'est mal. Non. Vous avez une éducation mémorielle. Et cette éducation mémorielle détermine ce que vous allez penser. Donc, vous n'avez pas de libre arbitre réel. C'est selon ce qu'on vous a instruit que vous allez penser. Et non pas à partir de la réalité. Et regardez encore ceci. Vous avez un libre arbitre. Êtes-vous parfait comme vous aimeriez l'être? Est-ce qu'il y en a un ici qui est parfait comme il aimerait l'être? Mais s'il y a un libre arbitre, pourquoi qu'il n'est pas parfait comme il aimerait l'être? Ceux qui ont déjà eu des accidents, est-ce qu'ils les ont désirés, les accidents? Ils les ont organisés, les accidents, consciemment? Ils n'ont pas de libre arbitre s'ils ont eu un accident. Ceux qui se font voler, ceux qui se font taper, ceux qui ont un mauvais boss, ceux qui ont une maudite job, ceux qui, etc., etc., etc. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Si le Canada entre en guerre, l'avez-vous décidé? Ah ben, vous allez vous sauver dans le bois. Mais sauvez-vous tout de suite. Ah ben non, il n'y a pas de guerre. Avez-vous un libre arbitre? Vous êtes manipulé par la guerre. S'il y a une guerre, on s'attaque à la poubelle ou dans le bois, ou on va se battre. Puis s'il n'y a pas de guerre, on reste en ville. Vous appelez ça un libre arbitre? Être totalement acheté à tout ce qui se passe à l'extérieur, vous voulez appeler ça un libre arbitre? Vous êtes malade, vous avez la grippe. Vous avez décidé la grippe. Vous avez un libre arbitre. Vous avez mal à la tête, l'avez-vous voulu? C'est conséquentiellement le résultat de ce que vous faites, mais pas consciemment. L'être humain désire pas consciemment être ce qui est. Pourquoi il se maquille? Pourquoi il ne peut pas se présenter nu devant d'autres? Parce qu'il y a un paquet d'affaires à cacher. Il n'y a pas de libre arbitre chez l'être humain, c'est pas vrai. On l'a enseigné à l'humain parce qu'on avait une éducation évolutive d'ego. Et c'est impeccable, fallait que dans l'Antiquité et encore aujourd'hui, que l'ego de l'humain monte en puissance, que l'homme devienne orgueilleux. Parce qu'il était orgueilleux, il avait la faculté de croire qu'il pouvait manipuler la matière et manipuler son destin. Ce faisant, alors il a accepté d'exprimer les énergies de son esprit, inconsciemment, les énergies de son Dieu, si vous voulez, et constituer des sociétés, constituer des nations, constituer tout ce qui, à un moment donné, va permettre à l'intellect, donc à l'énergie mentale chez l'être humain, de se développer. Et cette énergie mentale, elle est la seule qui a la faculté de toucher à l'énergie supramentale, donc au savoir instantané. Il n'y a pas eu le libre arbitre. Le gars qui va se battre, j'ai décidé d'aller me battre, schnack, il se fait couper un bras. Y a-tu décidé de perdre un bras? Il a décidé, tant qu'il pense qu'il a décidé. Mais la journée, qu'est-ce qu'il décide? Marche plus. Il prie. Il prie pour que Dieu ne lui fasse pas boire cette coupe. Mais il va être libre arbitre de mort. C'est quoi l'espoir? C'est l'expression totale que l'être humain n'a pas de libre-arbitre. Parce que s'il aurait un libre-arbitre, il ne vivrait pas d'espoir, il ferait ce qu'il a à faire, il espérerait pas que ça va aboutir. Pourquoi l'être humain espère que ça va aboutir? Parce qu'il n'y a pas de libre-arbitre. Si vous dites « j'espère que le banquier va me prêter l'argent pour acheter mon char », c'est pas vous qui décidez. Parce que si c'est vous qui décidez, vous avez l'argent en banque, vous espérez pas. L'être humain n'est pas de libre arbitre. Il n'est pas. C'est pas grave, ça change rien. L'être humain a une fonction réelle sur la planète. Il faut comprendre l'être humain. Vous êtes deux phénomènes. Il y en a qui sont pas mal plus de phénomènes que ça, mais vous êtes deux phénomènes en particulier. Vous êtes un être humain sur une planète avec une conscience localisée qui un jour va devenir nationale et qui un jour va devenir planétaire. Vous serez citoyen de la planète Terre et vous ne vivrez plus de frontières. Et même si d'autres êtres anciens ont encore besoin de leurs frontières, de leur cadre pour se sentir sécure, vous allez accepter le passeport pour changer de place, mais dans votre conscience, vous allez être planétaire. Rendu à ce niveau, vous allez devenir autre chose, parce qu'il y a une autre partie de vous que vous ignorez et que vous vous devez d'ignorer. Votre esprit, ce que vous êtes en réalité. Et cet esprit, ce que certains humains appellent Dieu, sait ce que vous faites sur la planète Terre. Et pourquoi vous n'avez pas de contact avec votre esprit? Parce que présentement, vous n'êtes pas suffisamment terrestrifié. Vous n'avez pas suffisamment souffert, vous n'avez pas suffisamment eu d'orgueil, vous n'avez pas eu suffisamment mis de problèmes, vous n'avez pas suffisamment connu la Terre, que si vous auriez la connaissance de votre esprit, vous voudriez sacrer votre camp de la planète Terre. Le rôle de l'humain, ce n'est pas de sacrer son camp de la planète Terre, c'est de garder les deux pieds bien ancrés à terre pour aller chercher, pour aller placer sa tête au niveau de son esprit. Parce qu'il doit ramener la matière à la création. L'univers n'a pas été créé pour rien. Il est humain encore moins. Alors donc, celui qui est sur la planète, qui a un esprit localisé, n'a pas de libre arbitre. Il est régi par ce qui vous régit, par vous. Mais vous en tant qu'esprit, pas vous en tant que psychologie. Ça, quelle nuance. Alors, ce qui fait que l'être humain n'a pas de libre arbitre, dans sa conscience localisée planétaire, il n'en a pas. Son esprit vient parler quand le corps physique, quand l'être humain terrestrifié est prêt. Il sert de radio. L'esprit a un libre arbitre comparativement à ce qui est limité au niveau planétaire. Vous êtes libre. Vous avez choisi, pas vous psychologiquement, pas vous corporellement. Mais il y a quelque chose chez vous qui a choisi d'être ici. Et pour vous le vouloir, j'ai déjà dit aussi que pour que l'être humain daigne venir sur la planète, l'être humain a une importance, une utilité magistral au niveau de tout l'univers. Pas un être déchu, l'être humain. On lui a dit qu'il était un être déchu, et on lui a dit aussi qu'il était un être qui devait payer sa peine pour qu'il accepte de rester. Tandis que la majorité des esprits en ont pas daigné venir toucher la Terre, parce qu'il y a un danger magistral de mettre les pieds sur la planète, c'est qu'on peut prendre goût à la matière. Prenant goût à la matière, on veut plus retourner. L'être humain est là pour toucher la matière, pour la ramener avec lui. Donc, il doit rester sur la matière et il doit prendre goût du retour. Une partie de l'humain veut rester sur Terre, une partie de l'humain veut retourner vers Dieu. Tout ça doit se faire ensemble. C'était, je crois, une conférence majeure de Daniel Kahn. Merci beaucoup, Daniel.